Salut Bubule. Salut Captain Posix. Salut Tolrek. Salut les manchots. Et oui, nous voici pour l'émission, je ne sais pas combien, 3.8 probablement, 3.7, merci Bubule. J'en profite pour présenter Bubule à ma gauche, salut Bubule. Oui, bonjour. Tout va bien? Ça va super. Et puis en face de moi, Tolrek. Ouais. Non, lui, il dit pas bonjour, il dit juste ouais. Et à ma droite, Sam, qui nous vient bonjour. De Charleville-Mézières. Exact. Bonjour à tous. Salut. Salut. Alors Sam est notre invité dont nous avons parlé le mois passé, qui est l'invité que nous avons découvert de manière tout à fait fortuite lorsque nous cherchions les toilettes au festival de Charleville-Mézières, le Cabaret Vert. Rappelons que c'était Bubule qui cherchait des toilettes, et ça Bubule, ne surprendra personne en fait. Bubule cherchait en effet des toilettes et nous sommes passés à côté d'un stand Linux où je n'ai pu m'empêcher de m'arrêter. Et nous avons donc tapé la discute avec Samuel et il se trouve que Sam est donc, je suis perturbé parce qu'il a le même prénom que moi, et donc Sam est donc un passionné des logiciels libres en général. Tu peux dire te présenter en juste 2-3 mots sans trop déflorer tous nos sujets et Dieu sait s'ils sont nombreux. Ok. Donc, je m'appelle Samuel, donc Sam. Je travaille au Luxembourg dans une grosse boîte d'informatique. Je vais souvent donc dans les Ardennes parce que j'ai créé une association qui s'appelle Ilard, dont on va en parler tout à l'heure. Et je suis un fervent utilisateur de Linux depuis 1994 exactement. Ah ben, tu fêtes tes 20 ans alors, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Libéré depuis 20 ans. Libéré depuis 20 ans. La vache, ça, voilà. ça force le respect. Hein. Voilà, mes premières installations Linux étaient avec des disquettes. Donc, et c'était quelle distribution? C'était la distribution Slackware. Et le noyau, c'était même pas le noyau en 1.0. Ça devait être 0.99 et quelque chose. C'était l'époque où il fallait encore installer Linux à côté, enfin, avec un... Un sacré manuel, un sacré mode d'emploi, en fait. Ouais, à l'époque, il fallait que j'installe Linux avec une cinquantaine de disquettes. Donc, je m'amusais à faire le DJ dans ma chambre d'étudiant. mais il y avait attends, je ne dis pas de conneries, c'était les tout débuts d'Internet, donc les mises à jour, comment est-ce qu'on se les procurait et... Alors, moi, j'avais récupéré ces disquettes-là par un prof de l'IUT informatique de Reims. Et on n'avait pas trop la possibilité de faire des mises à jour. Donc j'avais eu ces 50 disquettes et après c'était à toi de te débrouiller et puis d'utiliser. Il y avait rien de spécial d'ailleurs. Donc il y avait même pas d'update. Et alors Linux, t'en avais entendu parler par qui? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? Alors justement c'était une personne, un étudiant et un prof qui m'avait parlé un petit peu du concept Linux. Alors c'était même pas logiciel libre, mais c'était plus le concept tu installes ce logiciel là et tu as les sources, le code source qui était disponible sur les disquettes. Et donc c'est ça qui m'a fait qui m'a poussé à passer de Windows 3.11 à Linux. Voilà. Et avec Slackware, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Donc j'avais l'interface, bien sûr, ligne de commande, et puis l'interface Xwindow. Ah oui. Donc la même interface qu'on utilisait quand j'étais étudiant. Voilà. Et ben voilà. Bon, une belle entrée en matière, comme vous voyez. Sam n'est pas tout nouveau dans le domaine. Il a une certaine expérience. Alors au début, je l'avais plutôt. En réalité, hein. Quand on s'est rencontré donc au festival Le Cabaret Vert, voilà, le Cabaret Vert de Charleville, on a un petit peu parlé de différents projets, mais tu étais là donc au nom de ton association et tu présentais entre autres, tu m'as présenté un projet OpenStreetMap. Donc voilà, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors comme d'habitude, les petits remerciements. Des gens qui sont venus dire bonjour sur le site, donc merci à Julien Bertozzi, hein, qui était très très content, qui était le premier à mettre son commentaire, parce que nous avons bien entendu parlé de son jeu. Merci à Otug, Cestin, Mika, Mikael, Alter Libriste, Greg, Maxwello, Donc Loïvert, Bigood, Professeur Gnou, Arpinux, Jean-Sébastien Pédron, qui est venu mettre des commentaires, qui était notre invité du mois passé sur les BSD, Nokia Forever, Shukatsu Ronin, Doc Green, Akmet, Chris, Electron Libre, Paco, Antistress, Martin et Lionel C. Alors, petit retour sur les commentaires de certaines personnes. Donc, Cestin qui donne l'info sur l'installation à faire pour Netflix sous Linux. J'allais dire Windows, t'imagines ? Le fameux Linux. Enfin, venant de toi. Donc, perso, je vais attendre la nouvelle mise à jour de OpenSUSE, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, je m'attaque au problème. Mika, qui a deux actus. Donc, Mika, qui était aussi un invité de... Bon, lui, ça remonte déjà à... Peut-être... La saison précédente. Oui, la saison précédente. Mais à mon avis, plus qu'un an, ça doit presque faire 2 ans, je pense. Mais bon, bref. Donc, il a développé un jeu d'échecs sous Firefox OS. Et ensuite, il a fait son propre podcast. Donc, Mika est le développeur principal du framework MK Framework. Et donc du coup, bah voilà, évidemment, moi les podcasts, j'aime ça. J'ai donc été jeter un coup d'œil, mais d'habitude les podcasts, je les écoute dans ma voiture puisque je fais beaucoup de voitures, et il se trouve qu'ici c'est un podcast vidéo. Donc j'ai quand même mis l'image sur mon smartphone pendant que je conduisais, ce qui n'est pas très prudent. Ne faites pas ça à la maison. Et mais voilà, c'est un podcast qui est en fait un tutoriel sur comment installer son framework. Et comment l'utiliser. Il y a pour l'instant 7 numéros, dont le dernier qui traite de la gestion des droits d'utilisateur, je pense. Donc voilà, Mika, donc félicitations à toi. C'est très très bien fait, très bien expliqué, très posé. Et alors Alter Libriste, qui revient sur le fait que je râlais parce que mon Geekphone n'était pas mis à jour et que j'étais toujours en version 1.3 avec Firefox OS. Et il disait, oui, mais Captain, tu dois venir sur mon blog. J'ai expliqué comment on peut compiler son propre Firefox OS. Comme j'ai expliqué dans les commentaires, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, parce que le Revolution, c'est un processeur Intel et ce n'est pas un ARM. Donc voilà, et puis en plus, maintenant, ça ne s'applique plus, puisque j'ai dû passer mon téléphone sous Android. Ça aussi, j'y reviendrai plus tard. Alors Martin est venu mettre un commentaire et nous dit que nous sommes ses nouveaux compagnons de travaux, parce qu'il a commencé des grands travaux chez lui et il est très content que les podcasts durent 3 heures parce que ça lui permet de passer... Ah bah si ça en rend un heureux... Oui, il y en a au moins un qui est heureux de ces interminables durées. Enfin moi j'en suis heureux, c'est vous qui râlez. Et donc il demande aussi comment nous envoyer des bières. Alors deux choses, Martin, j'aime le pluriel à bière. D'abord merci d'avance. Merci d'avance déjà sans vouloir te mettre la pression. Non, merci pour l'intention. Alors maintenant le petit bémol, il y a déjà un auditeur qui a essayé de nous envoyer des bières. Il faut savoir que il les a récupérées cassées. Et que avec un petit message genre c'est interdit d'envoyer de la bière par la poste. Genre. Donc si tu veux envoyer des bières, ben voilà, c'est très gentil, mais peut-être que simplement une carte postale suffit. Maintenant, n'importe quoi. Ou alors, tu protèges bien les bières. Oui. Voilà. Hein, j'avais eu le cas avec Babozor et au deuxième coup, j'avais mieux emballé et c'était passé. C'est vrai. Voilà. Si ça casse, tu peux pas te retourner contre eux, c'est tout. Mais donc, oui, oui. Sinon, DHL hein, ou un colis à plus forte taxation d'envoi, mais avec garantie à la réception. Comme vous voyez, Bubule ne perd pas le nord. Et bref, Martin, si tu veux, malgré tous ces avertissements, nous envoyer quand même de la bière, j'ai laissé l'adresse dans un des posts de l'émission qui s'intitule « De bonnes vacances à tous ». Et donc, c'est là que je fais l'appel aux cartes postales. Et là, tu trouveras mon adresse si tu es intéressé de nous envoyer des bières et nous ferons un plaisir de les déguster. Et où habite Martin ? Alors, je ne sais pas où habite Martin. Parce que je demande ça, si c'est pas trop trop loin. J'ai lu récemment un article sur un beer line, donc comme un pipeline, mais pour faire transiter de la bière au sein d'un village. Ça, c'est très bien. Ça. Donc, s'il n'est pas trop, trop loin, on peut peut-être construire se greffer sur un pipeline vers sa maison et il pourra nous distribuer en bière en temps réel. Mais ça, ce serait bien. Mais il me faudrait une petite pompe ici, alors, pour avoir des petites pressions, comme on dit chez nos voisins, les Français. Et donc, des cartes postales dans ta main, je vois, oui, de nouveau. Pour revenir sur l'affaire des cartes postales, donc il y a. Il les a préparées, hein, c'est celle du mois passé, ou bien c'est ouais, que. Alors, il y a. Mais je les ai rassemblées, donc j'ai le tas. C'est parce que, en fait, la dernière j'ai fois. J'ai le tas, alors. Parce que là, ça fait impressionnant, mais ouais, c'est deux mois cumulés. Il y en a cinq. Oui. Il y en a cinq. J'ai le tas. Il y en a cinq. J'ai juste. La dernière fois, je n'avais pas retrouvé, malheureusement, celle de Antistress et LPP, et donc je n'avais pas pu la lire, et donc je voulais la lire, mais malheureusement j'avais oublié à quel point j'arrivais pas à lire l'écriture ou d'Antistress ou de LTP, je sais pas lequel écrit le plus mal des deux, je pense. Enfin, j'ai posé la question à Antistress, il m'a dit que c'était LTP qui écrivait mal, je n'ai pas posé la question à LTP, Donc voilà, petite, tu as reçu des cartes postales. La petite légende des photos, c'est deux sièges vides sur la photo, et il est marqué légende de la photo, Antistress et LTP en vacances. Mais on ne les voit pas, où sont-ils ? Réponse A, au bistrot. Réponse B, à la mer. Réponse C, ils réinstallent Windows. Réponse D, la bonne. Et alors c'est là que ça devient compliqué. Ils sont en train d'exploser Linux dans une ruelle sombre. Et puis entre parenthèses, je sais pas lire, effet anti-stress, je sais pas lire, installer Windows 7 avec le Captain. La bonne réponse est évidemment la B, la bise à parole de Tux, anti-stress et LTP. Et en fait, anti-stress m'a expliqué qu'ils avaient écrit chacun une phrase. C'est long. Et c'est pour ça que c'est un peu perturbant à lire. Alors, une autre carte postale que j'ai reçue, voilà, c'est celle-là, David. Oui. Non, pas toi, un autre. Salut Captain et le reste de la piétaille. Une carte longue à venir, mais il faut dire que je n'ai pas vraiment eu de vacances cette année, rapport à mon pseudo. Alors c'est bien gentil d'écrire ça, mais quel est ton pseudo? Parce que tu as signé David. Voici un paysage qui devrait paraître exotique depuis où vous êtes. Au plaisir de vous entendre bientôt. Donc merci David, à toi, c'est en effet une belle carte postale. Donc le paysage étant une montagne. Une montagne en 9 exemplaires. On peut montrer à Sam aussi, qu'il puisse aussi profiter des cartes postales. Et vu que tu ne dis pas, c'est des idéogrammes en chinois ou japonais, je ne sais jamais. Oui, c'est vrai qu'il a signé aussi avec des caractères chinois. Alors, je vois les cartes postales. Alors, à mon avis, la montagne n'est pas une montagne de France. Matterhorn, ça vient de Matterhorn. Je sais pas où. On va regarder le cachet de la poste. Oui, regarde le cachet de la poste. Et pendant ce temps-là, Lausanne, Suisse. Ah, ça vient de Suisse. Donc voilà. Et alors une autre carte postale qui elle vient d'Avignon, qui est signée Alopex. Alors Alopex, es-tu un régulier des commentaires de Parole de Tux ? Parce que je ne reconnais pas non plus ton pseudo. Mais en tout cas, c'est très très gentil à toi d'avoir écrit. Alors je vous lis. Salut les manchots, un petit coucou du sud de la France. Je sais, c'est plus les vacances. Mais Parole de Tux n'a pas encore fait sa rentrée. Et oui, nous avons fait la rentrée assez tard. Donc pas du tout. Désolé pour la carte. Elle n'est pas débile, mais c'est l'intention qui compte. Bonne continuation pour votre super émission. A plus à l'OPEX. Donc voilà. Et c'est le pont d'Avignon. Et c'est le pont d'Avignon. Enfin, non, oui, c'est le pont. C'est le pont d'Avignon. Oui. Non, il n'y a pas le pont, c'est le château d'Avignon. Donc voilà, merci à tous pour ces cartes postales. Et alors, le dernier cadeau qui n'est pas... dernière petite remarque, Lionel C demande qu'on fasse un podcast de à peu près 3h05 puisqu'il va faire son marathon prochainement et il court son marathon à 3h05. Ou alors, il réécoute un de nos best-of. Donc voilà, je le dis pour Tolrek, d'autres challenges nous attendent encore. Et alors, le dernier cadeau, qui n'est pas des moindres, c'est donc l'œil verte qui nous gâte d'une petite chronique avec la sélection de ses liens. Et donc, voilà, c'était un appel aussi que j'avais lancé il y a plusieurs mois de ça. Si les gens voulaient enregistrer des petits extraits de podcast, eh ben, que je les passerais volontiers dans Parole de Tux. Et donc, voilà, c'est donc l'œil verte qui s'y met et qui fait une petite rubrique. Et on l'écoute maintenant. Tout premier numéro de la chronique du jeune manchot. Cette chronique n'a que une simple prétention, c'est vous faire découvrir les logiciels libres et les distributions Linux à mon humble niveau, puisque je me considère également comme un tout jeune manchot. Je utilise Linux depuis à peu près un an et demi maintenant, et j'en suis plus que satisfait pour mon humble utilisation. Voilà, ça c'est la partie présentation. Je vais tout de suite passer au cœur du sujet. Tout au long de ces chroniques, je vais vous fournir des liens qui vont vous permettre de découvrir ce qu'est le logiciel libre et les distributions Linux. Donc tout de suite, je vais vous donner un lien vers un documentaire qui date de 2002. Alors surtout, ne faites pas attention à la qualité du documentaire, de la vidéo. C'est surtout la qualité des intervenants qu'il faudra retenir, puisque vous allez découvrir deux mentors du logiciel libre et du noyau Linux, puisque vous allez avoir le privilège de découvrir Richard Stallman et Linus Torvald. Richard Stallman, qui est le président de la fondation du logiciel libre, et Linus Torvald, qui n'est autre que le créateur du noyau Linux. Vous allez découvrir notamment l'idée qui est germée pour lancer les logiciels libres et les systèmes d'exploitation Linux, et pourquoi ça a été créé en Finlande et pas ailleurs. Le deuxième lien... Alors là, ça sera vraiment plus une introduction plus approfondie dans le monde des distributions Linux. C'est un lien qui vient de YouTube, qui vient de Ma Formation Informatique. Donc ça, c'est une chaîne qui est sur YouTube, maformationinformatique.com. Là, donc c'est Linux pour un PC plus libre. C'est vraiment un lien qui est très sympa parce que ça vous dit 4 grands points. Qu'est-ce que Linux et la philosophie du logiciel libre? Mais ça sera un petit rappel du premier lien. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'une distribution et comment tester la distribution. Et enfin, donc il fait un petit question-réponse, mais ça sera vraiment à la fin. Il va vous montrer notamment donc que Linux est vraiment partout, même là où on ne le pense pas, puisqu'il s'est dans les GPS, dans les téléphones, dans les réfrigérateurs, bref, dans plein de choses. Même, je crois même qu'ils ont réussi à le mettre dans une cafetière, mais ça, je n'en suis pas sûr. Il va vous expliquer comment utiliser une clé USB ou un live CD. Il va vous montrer quelques distributions. Alors, de mémoire, il y a Ubuntu, Xubuntu et Linux Mint. A priori, ce monsieur a plus un avis fort favorable à Ubuntu, mais ça n'engage que lui. Et enfin, donc il y aura des questions-réponses, mais ça vous allez découvrir. Il va notamment vous parler des ce qu'il appelle des magasins d'applications que vous allez avoir sur Ubuntu notamment pour pouvoir justement installer des logiciels. Enfin, un troisième lien qui sera vraiment là le plus geek de cette première émission, ça sera un lien qui va vous permettre de tester la distribution de votre choix avant éventuellement de l'installer. Je vous explique. C'est un lien qui vient de Noël Massé, qui est formateur pour alform.com, qui est vraiment un très très très bon intervenant. Il est très pédagogue, mais ça c'est... Vous allez découvrir si un jour vous êtes intéressé pour... vous lancez dans la formation Linux et les LPIC. Bref, ça c'est un autre sujet. Vous allez notamment découvrir donc comment on utilise VirtualBox, qui va vraiment vous permettre de tester des distributions Linux sans avoir trop de soucis. Et c'est vraiment là, c'est un gros conseil, c'est un indispensable. Pour conclure ce tout premier numéro, je tiens tout d'abord à remercier tous les auditeurs qui auront le plaisir de m'écouter. Surtout, n'hésitez pas à me donner un commentaire sur mon Twitter, @DonKluivert, que ce soit positif ou négatif, mais surtout avec un minimum de remarques, puisque si c'est juste pour dire que c'est nul ou c'est bien, ça fera toujours plaisir si c'est bien, mais sans un minimum de construction, ça ne me permettra pas de progresser. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne découverte des distributions Linux. Et donc voilà, c'était la petite rubrique de Donc le Verte. Encore merci beaucoup à toi. Je remarque quand même que tu as développé la sous-traitance encore plus fortement en arrivant à meubler notre podcast avec le podcast des autres. Oui, bien sûr, mais si je pouvais encore plus glander, je le ferais, mais je suis à court d'idées pour l'instant. Ah ben, déjà que Tu glandes pas mal avec des invités maintenant. Là, tu ne fais plus de dossier. Oui, oui. Hein, oui, le oui. Secure Boot. Où en est-il? Où en est-il, le Secure Boot? Non, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à raconter sur le Secure Boot, sinon je reviendrai dessus lors des news. C'est un peu comme plus ou moins tous les sujets que tu traites, quoi. Le Firefox OS, j'ai bien compris, tu as laissé tomber aussi. Ah oui. Que ça soit en rubrique ou en physique dans ton téléphone. Alors, explique-nous quand même pourquoi tu as laissé tomber l'OS et réinstallé tout en Android. Donc, alors, Firefox OS, il y a deux, trois petites choses qui m'ont embêté. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, il y avait le fait qu'il buguait énormément. C'est-à-dire que quand je l'allumais, il s'éteignait tout de suite et je devais. Il fallait l'éteindre, il se serait allumé. Il prend à plusieurs fois avant qu'il s'allume. Alors, il y a deux des auditeurs qui ont aussi le même téléphone que moi. Il y en a un des deux qui a le même problème. Donc, voilà, l'autre n'a pas le problème. Bon, bah, allez savoir pourquoi il y en a un qui a le problème, l'autre pas, j'en sais rien. La deuxième chose qui était un petit peu embêtante, c'est qu'à un moment donné, il a bugué et il ne sonnait plus. Donc ça c'est aussi un peu embêtant. Pour un téléphone, ouais, quand même. Le truc qui m'embêtait surtout, c'est que je suis bloqué en version 1.3 et que maintenant on est depuis début octobre en version 2.1. Et tu peux pas réinstaller, mais en Firefox avec la dernière version. Non, parce que c'est Geekphone qui doit mettre à jour la version de Firefox OS, parce que eux ils ont mis un hardware spécial et donc c'est de eux que normalement le travail devrait venir, quoi. Alors bon, il y a Alter Libris qui dit oui, tu peux le router, oui. Vas-y, comme attaque, Android, si tu veux installer une autre version d'Android que le constructeur pousse via les updates réguliers, tu peux toujours aussi. Mais façon, tu prends un risque, c'est ouais, comme d'accord, mais attends, tu vas pas essayer de moins faire bien croire que tu vas faire jouer une seule fois ta garantie. Oui, mais je veux dire, si t'avais dû le faire au point où en est ton téléphone. Il peut pas moins bien marcher que maintenant, quoi, donc t'inquiète pas. Hein. Donc, de toute façon, la garantie, tu vas pas l'utiliser. Donc, cette discussion autour de Firefox tourne toujours à la même chose. Et le GPS aussi qui ne marchait pas bien, tu m'avais dit. Oui, et ça. Qui ne marche toujours pas bien. Même sous Android, j'ai été témoin. Ils avaient inversé oui. X et Y quoi, pour le positionnement, donc il était toujours en Chine. C'était un peu gênant. Non, mais ça, le GPS, il ne va quand même pas bien, même sous Android. Et alors, il y avait la chose qui m'a vraiment décidé, et donc ça, c'est pas de la faute de Firefox, et c'est pas non plus de la faute de Geekphone. C'est le fait que pour mon boulot, je dois avoir ce qu'on appelle un petit token VPN pour me permettre de me connecter au réseau. Et avant, ils donnaient, donc ce sont un peu des générateurs de clés. Et avant, c'était des petits appareils qui donnaient séparément, qui a la taille d'une clé USB et qui génèrent sans cesse des nombres entre guillemets aléatoires, mais qui sont liés avec votre compte. Et maintenant, ma société a décidé que c'était terminé tout ça. Parce que on reçoit des GSM un petit peu de société et ce sont des GSM sous Android et donc une application qui fait ça. Voilà. Donc l'application n'existe que pour Android et pour iPhone si on veut garder notre propre téléphone, ce que j'ai fait, et n'existe évidemment pas sous Firefox OS. Et donc j'avais pas d'autre choix que d'installer Android. Bon. Donc toi, tu avais le choix entre un téléphone professionnel et ton Geekphone et t'as gardé le Geekphone. Oui, bien sûr, je suis fidèle à Geekphone et dès que Firefox est mis à jour sur Geekphone, je reviendrai sur Firefox en espérant trouver une petite solution pour cette histoire de VPN. Est-ce que c'est pas aussi un peu parce que Ingress ne marche pas sous Firefox OS? Non, je me demandais lequel de nous deux allait l'attaquer sur cette question-là. Ça c'est dans l'autre sens. Bon, alors c'est vrai, je joue un peu à Ingress. Et après, on va arrêter cette discussion. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas Ingress, il faut quand même dire que c'est un produit, un produit par Google. Tout à fait. Hein. Qui est un jeu, mais je vous invite à écouter le podcast de l'apéro du capitaine numéro je sais pas combien, 180 et quelque chose, où il y a des invités qui sont des grands joueurs d'Ingress et Ingress est un jeu où il faut se déplacer physiquement dans la rue pour aller hacker des portails. Et les portails étant... est-ce qu'il est libre, des ce programme? Bah alors, non, si ça vient de Google, ce jeu... il veut juste savoir par où tu passes, hein. Que tu allumes ton GPS en permanence. Ouais, bah oui, et que tu fasses des photos de tous les lieux intéressants pour pouvoir agrémenter Google Maps. Tu n'es pas obligé de faire des photos pour jouer à Ingress. Donc voilà, maintenant que vous m'avez bien agressé, je propose de clore le sujet sur Firefox OS et Android. Pour le moment. Et je demande à Tolrek, avant de lancer le générique, de présenter la bonne bière qu'il nous a apportée aujourd'hui. Eh bien, c'est une Goliath. Mais qu'est-ce la Goliath? Qu'est-ce que eh bien, la Goliath? Je ne sais pas. car je l'ai trouvé en me promenant dans la région wallonne du côté du Hainaut. Je me suis dit, tiens, si je m'arrêtais dans n'importe quel magasin, chercher une bière de passage du coin. Genre chez Carrefour. Bonne idée. Et je suis donc tombé sur la Goliath. Alors je vous dis tout de suite, la Goliath est brassée selon la méthode traditionnelle utilisée par nos aïeux avec les maltes d'orge et le houblon les plus fins. Et unique en Belgique, nous cultivons l'orge sur la terre de nos ancêtres. Bon, alors je vais pas continuer à leur faire de la pub, hein, y a pas spécialement de raison. On va donc goûter ça. Ici, dans ce cas-ci, c'est une blonde. Et elle est brassée où, tu as dit ? À Hatt. C'est la brasserie des légendes à Hatt. Voilà. D'accord. Et donc, on va voir ce que ça dit. Allez, Bubule, tu veux bien nous ouvrir ça ? Elle est bouchonnée. Bien sûr. Oui, elle n'est pas capsulée, elle est bouchonnée. Elle a un vrai bouchon. Ce qui va nous donner le petit plaisir, un, du Pops, deux, de Bubule, la mousse. Qui se retrouve avec plein de mousse sur ses feuilles. Sur mes papiers. Puis la bouteille a une forme aussi. Une forme un peu de bouteille de martini, champagne. Non ? C'est pas non, le champagne. Un petit peu champagne, non ? J'aurais dit champagne. Vaguement dans le brouillard. Hein. De loin. Bon, bah pendant. On s'ennuie pas chez vous là. Ben ah non, non. Écoute, c'est là que tu vas regretter de pas être venu. J'aurais dû venir normalement. Mais bon. Bah ouais, Charleville, c'est pas loin. Ouais. On sait pas loin en même temps. Ça fait quand même. Ah ouais, ouais, ça on fait. On évite ouais, quand même à l'heure et demie. Deux heures de route, facile. De route. Hein. Disons que c'est faisable. Est-ce que tu vas mettre, est-ce que vous allez mettre le nom de la bière oui. Et où la trouver sur votre bien sûr. Sur alors, site bien je sûr. Peux vous dire que je l'ai trouvé pas loin du village de Cambron-Casto, en gros du côté de Couem. Voilà. Mais et pour être plus précis, pour ceux qui ne sont pas du tout belges, c'est du côté de Mons. Et pour d'accord. Ceux qui ne sont pas du tout belges, Mons, c'est en Belgique. bah donc voilà, on va lancer le générique et puis on va enchaîner avec les news. Bubule, beaucoup de news aujourd'hui ? Non, pas beaucoup, zéro. Zéro ? J'ai zéro news parce que... Mais je peux t'en faire comme ça à la volée 2-3. J'ai 2-3 choses en tête, mais j'ai plutôt un petit dossier. Et alors, une nouvelle rubrique. j'ai remplacé les news par l'application du mois. Ah d'accord, ok. Bon, ok, donc pas de news non plus. Non mais ça, sans blague. Non, t'as même pas demandé, toi. Je la censure, moi. T'aimerais qu'on a arrêté de demander depuis un moment. Hein. Bon, allez, petit générique et on se retrouve pour les news. Les mix, c'est cool. Alors, pour commencer les news... Je t'ai dit que j'en avais pas. Oui, mais non, mais on peut quand même enchaîner notre temps de parole pour que ce soit un peu plus dynamique. Ah, tu veux que je présente tes news? Non. Ça, c'est la meilleure. Après avoir sous-traité du tour d'antenne à des auditeurs, tu penses bien. Putain, ils sont chiants. Donne-moi vite tes papiers, je vais improviser. Qu'est-ce qu'ils sont lourds, quoi. Si tu veux, je peux lire. Non, ça va, laisse tomber. Je fais donc ma première news et puis je passe la main à... Ah bah ok, je vais te... À Bubule. Ouais, bah ouais, je vais te faire une news. Donc... non, ça va, je commence. Donc moi, je voulais juste parler du... Mais ça va aller très vite, moi. C'est ce sont boot. Ce sont des news très très brèves. Je voulais juste parler du Matchstick FFOS. Ah oui. Qui n'est autre que, évidemment, Firefox OS. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Matchstick? C'est Google Chromecast, mais en plus puissant, non? Oui, et surtout en libre. Ah, qui est quand même le petit détail. C'est du hardware libre. C'est du hardware libre et c'est Firefox OS. Oh là là, ça c'est chouette. Et donc, à quoi ça ressemble? Bon, d'abord, c'est quoi un Chromecast? Oui, hein, d'abord, commence par là. On va commencer parce par là. Parce que moi, quand tu me dis Chrome, je pense Google. Et quand tu me dis libre, je comprends plus. Non. Attention, donc il y a deux choses. Je vais parler du Chromecast et je vais parler du Matchstick. Donc, le Chromecast, qui est arrivé le premier, est un produit Google qui est en fait. Qui a la taille d'une clé USB mais à la place d'un port USB, c'était un port HDMI. Ça se branche dans votre télévision, okay. Ça se connecte à votre modem Wi-Fi et ça diffuse du contenu sur votre télé. Ça se pilote à partir d'un smartphone. Et donc, vous pouvez envoyer vos vidéos YouTube. C'est un petit peu comme... un peu la réponse de l'Apple TV. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble l'Apple TV. J'ai jamais compris. Est-ce que c'est un dongle HDMI qui est fait pour... les télés qui ne sont pas déjà équipées, parce que la plupart des télés maintenant sont web ready avec Wi-Fi et il y a des applications, donc toutes les télés font ça maintenant, quelques applications, ou bien ça fait plus que ça parce que grâce à ce dongle, tu peux installer un soft sur ton PC par exemple et vraiment personnaliser toi-même les choses de ta télé, alors que si tu as une télé, moi j'ai un truc Philips. Je sais que je reçois des applications de la part de Philips, mais je ne peux pas choisir. Par exemple, je ne suis pas certain qu'il y a Netflix. Et si ça n'y est pas, je ne pourrais pas le rajouter. Oui, alors qu'avec ce dongle, est-ce que tu as bien une application en plus pour l'installer et rajouter les choses toi-même? Voilà, tout à fait. C'est ça l'objectif. Mais donc, derrière Chromecast, évidemment, il y a une technologie et il y a bien sûr tout le sponsoring de Google. Et donc, toutes les applications Google peuvent être installées sur votre petite clé HDMI qui n'a qu'à se... Genre Ingress. Bah, Ingress, tu vas te balader avec ta télé dans la rue. Ingress sur une télé, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Et oh là là, je voyais Bubule se lever, je me dis ça y est, il va déjà pisser, il a même pas tenu 5 minutes. Mais non, il ne fait qu'enlever son pull. Ah oui, je me déshabille, cher auditeur, dommage que vous ne me voyez pas. Car il fait chaud aujourd'hui dans le studio. Ouais, chaud, bien sûr. Et donc, voilà, la clé se branche dans la télé simplement et diffuse du contenu sur base des applications qui sont installées sur votre clé. Et la Matchstick, c'est un peu pareil, sauf que c'est un peu mieux parce que la clé est plus puissante. 1 GHz. Elle a... alors en gigahertz, je ne sais pas. Alors que le Chromecast fait 700 MHz et de mémoire. En gros, c'est comme un Raspberry Pi. 1 giga de mémoire, alors que le Chromecast en fait que 512. Ou bien, alors, ça, c'est vrai. Donc, elle a en effet 1 giga de RAM, ça, je l'ai noté. Elle a 4 giga de stockage et elle a un processeur dual-core Rockchip 3066. Et donc, ça, il faudrait voir à combien ça tourne. J'en sais rien. Mais donc, en gros, elle. Oui, Sam. Ouais, c'est combien le Matchstick, le prix? Ah, oh, minute, hein. C'est pas encore produit, je pense. Oui, en fait, c'était un projet Kickstarter. Donc là, il faudrait aller voir sur le site. Le premier reward qui te permettait d'en avoir une, mais qui revient à moins cher que quand elle sera définitivement produite. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore, mais ils ont atteint leur somme. Ils avaient besoin de 100 000 dollars, ils sont à 400 000. Et je connais, j'ai un de mes amis qui a backé, Pierre... Il a backé et Corben aussi, puisque c'est lui qui en a parlé dans sa news, il a backé aussi. C'est trop tard, hein. Donc la campagne elle est finie depuis une semaine je pense, donc elle était finie fin octobre. Mais si tu veux l'info, tu vas sur Kickstarter, tu tapes Matchstick et tu trouveras l'équivalent de son prix. Il devrait être dans le premier niveau de rewards où tu le recevras quoi. Je pense que ça coûte 40 ou 50 euros. Mais Sam, puisque tu as une connexion internet, si tu peux vite jeter un coup d'œil. Ouais, je regarde. Et en parallèle, je propose de... Donc tu peux revenir dessus, hein, mais on va clôturer la news et je vais passer la parole à Bubule pour ses petites news. Qui ne sont pas des news. Qui ne sont pas des news, si, mais, si, des mais qui n'ont rien à voir avec le monde libre. Ça coûte 18$. Ah, 18$. 18$ ouais, seulement. Bah oui, c'est ça. The basic one matchstick retail price will be 25$. Ah bah voilà, mais oui, 25$. Comme je le disais, à mon avis, ça sera donc que pour les gens qui y ont contribué. Date de livraison estimée février 2015. Ah, oui. Voilà, et donc je pense la vraie production pour le grand public, puisque vu le succès, ça va être produit, ce sera pour le mois de juin, il me semble. Ceci dit, puisque c'est open source hardware, tu peux le construire toi-même pour bien moins que 25$. Oui, évidemment, mais bon. Ouais, enfin non, pour bien plus. Non, ouais, ce sera plus. Hein. Ça sera une clé qui fera un mètre carré. Tu serais électronicien, putain, ouais, c'est ça, parce que pour avoir des circuits intégrés, il faut quand même une sacrée machine, quoi. Mais donc voilà. Non, moi j'avais hésité, mais puisque tu insistes, je veux quand même en parler un peu. Mais je m'étais dit que j'allais arrêter avec les news spatiales. Mais c'est parce que là, il y a un... Le record a été battu. Non, il y a. Le vaisseau qui s'est voilà, écrasé. C'est un peu triste quand même. Donc, une petite pensée pour Richard Branson avec Virgin Galactic. C'était sa société privée qui avait. Et oui, dont le Spaceship 2 vient de se vautrer dans le désert lors d'un vol d'essai. Et il y a quand même un pilote qui est mort. Apparemment, je des autres, qu'il y avait pas eu de mort. Un mort et d'autres gens dans la capsule qui ont survécu. Et il y a donc des voilà. Gens qui ont survécu à ce truc-là. Ben oui, oui. C'est il n'est pas tombé de l'espace. Non, il n'est pas tombé de l'espace. Non, il était en vol d'essai. C'est la navette qui porte le module en fait. C'est comme un avion. Ah oui, d'accord. Et donc voilà. Et donc il reparlait dans tous les articles aussi du grand concurrent à Branson. Ben, Branson est plus orienté voyage. De voyage, tourisme voyage. Dans l'espace, alors que notre ami Elon Musk, hein, que vous connaissez bien maintenant, PayPal et compagnie, et Tesla Motors, lui, avec sa société, vise plus les vols pas tourisme, mais professionnel, entre guillemets, puisqu'il sous-traite. C'est pour aller foutre des satellites. Voilà, et il est déjà occupé à travailler pour la NASA, qui, pour rappel, n'a plus de vaisseaux. De navettes publiques, on va dire, et donc ils font appel à des sociétés privées de cet ordre-là. Donc un petit revers malheureusement pour Virgin, mais bon, Branson se montrait très positif pour l'avenir et disait que rien n'était abandonné dans les projets. Il a d'ailleurs dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Moi, ce que je me dis surtout, mais que voulais-tu qu'il dise, quoi ? N'allez pas dire ouais, de fait, c'était très con. Enfin voilà. Quelle mauvaise idée. C'était quand même l'idée la plus conne que j'ai eue ces dernières années. J'aurais dû continuer à faire du coca. Donc oui, bah oui. Écoute, c'est tout, non, c'est une petite parenthèse. Parce que vous savez que j'aime bien parler de ça, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'objet de l'émission. Mais ça va. Bah il est libre, Max, quoi. Bah oui, et puis on a toujours dit, on est quand même bien sûr qu'il y a au moins un ou deux trucs libres dans sa navette, non? C'est sûr. Les toilettes, je sais pas. Ou peut-être il a. Non, je t'ai coupé pendant ta fin, vas-y, je t'en prie. Il y a peut-être un des pilotes qui a un téléphone Android ou... ou un Firefox, ouais. Bon. Non, ça non. Je pense pas. Alors, ils aiment bien la technologie, eux. La deuxième petite news, c'est quelque chose qui m'a juste fait un peu rire. C'est la sortie du Banana Pie. Vous allez me dire... je tolérerai qu'on attend beaucoup, là. Je vois qu'il est dubitatif. J'ai dit banana pie et là j'ai vu le vide dans le regard de Tolrey. C'est un jeu de bowling. Attends, c'est une variante du raspberry. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est un peu. En forme de banane. C'est bien un moins pratique. Mais non, mais le raspberry, évidemment, c'est la framboise. Hein, donc, ah. On part sur le banana pie dont l'icône est la banane. Et en fait, c'est un peu un clone du Raspberry Pi, mais avec un meilleur processeur et un peu plus de mémoire. Donc le Raspberry Pi, pour rappel, c'est un processeur ARM 700 MHz. Et le Banana Pi, c'est un Cortex A7 Dual Core 1 GHz. Et alors, pour le Raspberry Pi, la distribution... Bon, on peut installer des tas de trucs comme distribution sur le Raspberry Pi. Enfin, il y en a plusieurs qui sont supportés. Arch Linux... en possède une, mais en général, on installe Raspbian, c'est la plus populaire sur Debian, ce qui est basé Debian pour le Raspberry. Et pour le Banana Pi, la distro, c'est le Bananian. Et oui, c'est une distro orientée serveur basée sur Debian Wheezy. Et cette distribution est faite par un partenaire de LeMaker, créateur de Banana Pi. Voilà, c'était juste... Distribution cool, produite par Chiquita. Voilà, c'était juste pour le head-up. Et quand tu l'as déjà acheté? Non, mais non. Non, ça va, j'ai déjà deux Raspberry, honnêtement, je n'en fais rien. Bah si, je m'en sers, mais je... Et toi, tu ne vas pas acheter? Mais si je n'ai pas d'idée de projet, je ne vais pas acheter. Et t'avais quoi comme projet avec ton téléphone? Soit. Pour info, j'ai vu qu'il y avait le Banana Pro. Ah, qui est encore une autre version. Ouais. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure. Le Banana Pro, c'est une version améliorée du Banana Pi fait par LeMaker. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a les caractéristiques. Ça doit être un peu plus élevé, normal. Mais je pense que ça va être un, quelque chose d'intéressant. Après, le prix, je ne sais pas. Mais c'est pas mal. Ouais, c'est plus cher qu'un Raspberry Pi. Hein. Oui, c'est une des grandes qualités du Raspberry, c'est son prix aussi. Oui, et puis le, en fait, le, et la popularité fait que tu trouves quand même pas mal de tutoriels dessus. Ouais. Et puis l'avantage avec le Banana, c'est que, enfin, moi je trouve un avantage, c'est, outre la capacité au niveau de la RAM, c'est qu'ils ont un port SATA, ah, qui oui, est pas mal. Ouais. Et contrairement au Raspberry Pi où on n'a pas ce port là, ce qui est un peu dommage. C'est vrai que sur le Raspberry en termes de port on est un peu limité. Hein. Et pour connecter quoi ? Pour connecter des disques. Le port SATA. Ouais. Oui, c'est pour connecter un disque, un mini disque, tu sais. Ah oui, d'accord, mais donc c'est quand même hors. Contexte d'utilisation standard de justement ce type d'appareil qui est censé être miniaturisé, ou alors c'est juste pour installer tes trucs et tout et le préparer peut-être. Ouais, ou pour faire un centre multimédia. Pour des backups, hein. Ouais, mais c'est pour faire un centre multimédia, t'as pas besoin d'un Raspberry, tu peux mettre un laptop ou. Mais ça coûte 40 euros un Raspberry. Tu peux faire un intranet. Mais t'as pas de disque dedans visiblement, t'as pas d'écran, pas de clavier, donc c'est quand même bien plus que 40 euros. Quand t'as acheté tout ce qui va autour, t'as presque atteint le prix d'un mini laptop. Mais non. Qui peut aussi bien faire ça. Non, je sais pas. Non, enfin... Je pensais que c'était plus utile pour coupler ça avec une mini-caméra et le planquer quelque part pour surveiller quelqu'un. Non, mais ce genre d'utilisation, d'utiliser le fait qu'il soit miniature, mais après, si c'est pour le laisser sur ton salon comme Media Center, bah, autant acheter un Media Center, quoi. Oui. Oui, moi, c'est vrai que je vois le... Allez, la grande qualité du Raspberry, c'est en fait d'avoir quelque chose qui rend l'électronique et les instruments portables accessibles, quoi. Tout ce qui est un peu électronique embarqué, ben voilà, vous avez. Avant c'était compliqué, il fallait directement programmer des microcontrôleurs, des choses comme ça. Ici, avec le Raspberry, on a déjà un petit ordinateur, c'est super facile de contrôler les ports. Ça rend vraiment, voilà, l'électronique embarquée accessible à tout le monde, quoi. C'est vrai que c'est le gros point. Mais par contre, le Banana, en ayant son port SATA, quand on compare au Raspberry, le Raspberry, par exemple, n'était pas assez puissant que pour lui-même alimenter un disque, un vrai disque dur physique. Et il fallait du coup une alimentation. Ouais, maintenant, c'était une des qualités du Raspberry quand on en avait parlé. C'était c'est son faible voltage, sa faible consommation. Ouais, c'est clair, consommation aussi. Très faible. Et tu peux tourner ça de manière autonome sur un allume-cigare, peut-être. Oui. Ah, oui. Alors oui. Qu'avec un disque SATA, si je m'abuse, tu dois aussi venir avec une alimentation externe pour ton disque. Bah, ou bien c'est comme l'allume-cigare, c'est quand même 12 volts. Hein. Je pense que tu peux. Ouais, le SATA. Il y a des projets où on peut mettre le Raspberry Pi embarqué dans une voiture. Mmh. Mais effectivement, je me demande si on l'utilise avec l'allume-cigare. Mais il y a ce genre de projet. Ou un convertisseur. Oui. Ok. Bon. Eh bien, merci, Captain. Tu reviendras avec ton panier de fruits le mois prochain. Alors, moi je voulais aussi parler de la sortie de OpenSUSE aussi très rapidement, parce que OpenSUSE maintenant ça fait plus de 2 ans que je l'utilise. Ceux qui suivent le podcast depuis le début savent que j'ai essayé beaucoup de distributions et OpenSUSE reste celle qui m'a le plus séduit avec son bureau KDE qui est à tomber tellement c'est magnifique. Donc voilà, moi je suis un grand amateur et la version 13.2 est sortie avec la version 4.14 de KDE. Dédié à la mémoire de Volker Lanz, qui est le développeur principal de KDE Partition Manager, et qui est décédé, je ne sais pas de quoi, pourquoi, ni rien, mais voilà, c'est la version... Je parle pas d'OpenSUSE, hein, je parle de la version 4.14 de KDE qui est dédiée à Volker Lanz. Et donc, KDE, évidemment, c'est magnifique, c'est mon bureau préféré, mais OpenSUSE vient aussi avec GNOME, bien entendu, mais aussi Mate. Et c'est la première version de OpenSUSE à venir avec Mate. Enfin, moi, je dis Mate, mais ça se dit peut-être Mate ou M-A-T-E, je ne sais pas. C'est le fork de GNOME 2. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais essayé. Je pense, en tout cas, de ce qu'il était marqué dans l'article de LinuxFR, d'où je tiens la news, il disait que c'était les amateurs, en effet, de l'ancienne version de GNOME qui allaient être ravis. C'est ceux qui n'ont pas suivi, je suppose, l'évolution. Moi qui suis sous GNOME, oui. En gros, c'était ça, c'est que quand on est passé de GNOME 2 à GNOME 3, il y a eu un choix ergonomique évident qui a été fait et tout le monde n'a pas suivi. Et donc certains ont forqué GNOME 2 pour le faire évoluer comme ils l'entendaient dans une version aussi moins gourmande. Je pense qu'il y avait cette question-là aussi de gestion des ressources, que GNOME 3 allait plus faire un truc esthétique et donc plus gourmand. Et donc, voilà. Mais alors, donc il y a Matt. Ouais, moi j'ai toujours dit Matt. Matt, ok, qui vient, mais il y a aussi LXDE, XFCE, Enlightenment et Awesome qui sont les bureaux supportés de OpenSUSE, en tout cas la dernière version. Et c'est là qu'on peut quand même rappeler que Arch Linux présentait plein de bureaux différents dans sa distribution, oui. Et qui était quand même vachement intéressant pour ça. Tous ces gestionnaires de fenêtres, parce que je pense que c'était des gestionnaires de fenêtres essentiellement, mais et donc, pour en découvrir, c'était quand même bien sympa. J'en profite pour refaire la petite pub de Arch Linux avec son projet Andy Linux, ouais. dont je vois régulièrement des articles vantant les mérites. Et il y a d'ailleurs un article sur Wikipédia qui était... Il est passé alors. Oui, maintenant il est sur Wikipédia. Ah oui. Andy Linux est sur Wikipédia, puisque Arch Linux nous avait expliqué les difficultés d'être repris à la fois dans DistroWatch, mais aussi sur Wikipédia. Dans l'article de Wikipédia, vous pouvez lire la phrase qui symbolise vraiment magnifiquement la philosophie du livre, puisqu'il est marqué un truc du style l'objectif avoué de Andy Linux est de pouvoir se passer de Andy Linux. Donc en gros, c'est une passerelle vers le monde Linux. Donc vous installez Andy Linux, c'est venu avec, ça arrive avec plein d'outils absolument pratiques, intuitifs, etc. C'est fort orienté, fenêtres, gros boutons pour le média, les configurations, enfin les choses comme ça. C'est un bureau extrêmement clair. Et vous avez des programmes qui vous facilitent le passage vers Debian quand vous êtes prêt à franchir le pas. Et donc l'objectif de cette distribution, c'est vraiment d'arriver à amener les gens à sympathiser en fait avec Linux. Donc voilà, c'était quand même assez... À propos de Wikipédia, j'ai aussi une petite news qui n'a rien à voir toujours avec Linux, mais puisque tu me tends une perche. J'ai lu récemment que les Parisiens, enfin non, en fait les Français, se disputaient de manière très violente sur la page Paris de Wikipédia. Et donc tout ça se passe sur la page de discussion, en fait, de la page Paris, principalement parce qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui veulent présenter Paris d'un point de vue touristique et d'autres qui veulent présenter Paris plus d'un point de vue économique. Et donc ça influe sur la manière d'introduire les articles et aussi sur les images qu'ils veulent mettre sur la page d'accueil de cet article. Et c'est assez intéressant d'aller lire la page de discussion de la page Paris. Je sais bien que tu es un grand amateur de cette section-là de Wikipédia. Oui, moi aussi. Le petit dessous des cartes, aller voir les disputes pour savoir ce que les gens ont censuré. Je trouve que c'est un bel exemple pour pouvoir prendre du recul par rapport à la définition de Wikipédia. Souvent, en fait, si tu prends juste ce qui est écrit dans Wikipédia, tu considères que tu es face à une version neutre, objective ou quoi, ce qui n'est pas du tout le cas, et que si tu vas dans les discussions, tu vas avoir le dessous des cartes, et c'est là aussi que tu vas te rendre compte que le problème de Wikipédia, c'est quand même que quand tu as 10 personnes qui discutent, tu as un expert sur la question et 9 crétins congénitaux qui sont persuadés d'avoir raison, ce seront les 9 crétins qui vont l'emporter dans un certain... Enfin, du moins, il y a une certaine époque, qui vont l'emporter. Oui, mais il faut mettre ça en balance avec le modèle à l'époque des grandes encyclopédies à la Universalis. Oui, bien sûr, mais... Est-ce que le modèle était mieux avant ? Il y avait eu une tentative par les fondateurs de... Certains fondateurs de Wikipédia avaient voulu justement s'affranchir de cette difficulté-là. Je pense que maintenant, la fondation Wikipédia avait quand même a mis en place des personnes qui chapeautent des sections et qui amènent leur expertise pour modérer cet inconvénient-là. Bon, enfin, quand tu es sur un truc hyper pointu, tu peux avoir 9 personnes qui se plantent et, Là, ici en l'occurrence la page est bien entendu bloquée pour le coup, plus possible de faire des modifications, elle est bloquée par les administrateurs et les modérateurs justement en attendant de trouver un compromis. Donc ça c'est magnifique quoi. Et donc la photo qu'il y a sur la page de Paris de Wikipédia, c'est maintenant une mosaïque où il y a un peu des deux quoi. Il y a une tour Eiffel et un arc de triomphe, mais il y a aussi le quartier de la Défense et ça pour l'instant tout le monde est plus ou moins content, mais oui c'est quand même marrant de voir comment les gens prennent ça à cœur aussi parfois. Ah bah oui. Mais tant mieux, ça prouve aussi que ils veulent aller à fond, au fond des choses, même si ici dans cet exemple-ci la querelle porte sur quelque chose qui n'est pas très importante par rapport à la définition même de Paris. Toi, on va se faire allumer sur le blog parce que t'as dit que la querelle n'avait pas d'importance. Non, mais par rapport à ce que Paris représente, je veux dire, ils se disputent pas pour savoir d'où vient le mot Paris, par exemple. Ils se disputent juste pour savoir comment on va le présenter. On va se faire bourrer devant par tous les Parisiens. Enfin bref. Bon, allez. Allez, news suivante. Eh bien, je fais ma dernière petite news avant de te céder la parole pour le mini dossier ou pour le dossier ou pour le pour l'application dossier, du mois ou pour l'application du mois. Alors moi, je voulais juste revenir aussi sur un truc un peu marrant qui je voulais déjà en parler la dernière fois. En fait, je l'avais déjà dans mes notes, mais non, ça s'est tellement marré le mois passé que t'as gardé ça pour ce mois-ci, quoi. Oui, non, c'est pas marrant c'est dans le sens AA. Mais c'était pour parler un petit peu de système D. Alors, système D, attends, c'est... Attends, excuse-moi, je sens la grosse poilade. Oui, attends. Le mec, il dit, ouais, je voulais, c'est marrant, je vais vous parler de système D. Mais ils sont insupportables. Donc, système D. Bon, système D, allez, c'est quoi? Fais-moi rêver. Ouais. C'est une alternative au Daemon Init de System 5. Spécifiquement conçu pour le noyau Linux, donc il a pour but d'offrir un meilleur cadre pour la gestion des dépendances entre services et de permettre le chargement en parallèle des services au démarrage et de réduire les appels au script shell. Le projet a été lancé par Lennart Puttering en 2010 et publié sous licence GNU LGPL version 2.1. Le nom de ce programme vient de System Daemon, le démon du système. Alors, pourquoi est-ce que c'est drôle ? En quoi est-ce que c'est drôle ? Eh bien, surtout. Parce que c'est un peu comme la page Wikipédia de Paris, ce système déchaîne les passions et les foules, car tout le monde n'est pas très content. Ah, et donc il y a une page de discussion incroyable sur Wikipédia. Alors d'abord, il y a une page qui s'appelle Boycott Système D. Il faut savoir que maintenant Système D a été adopté par la plus grande majorité des distributions. Alors là, peut-être que Sam est plus spécialiste que moi, mais je pense pouvoir dire que Système D a été adopté au moins par Fedora, par la suite donc de Red Hat, CentOS. Je pense qu'Ubuntu va l'intégrer aussi. Pourquoi ça m'étonne pas. Je pense qu'ils ont l'équivalent de Upstart, mais je ne sais plus s'ils gardent Upstart ou Systemd ou s'ils arrivent à faire fonctionner les deux. Debian passe aussi, est aussi sous Systemd. Donc en réalité, il y a certains irréductibles, dont à mon avis Slackware qui n'a pas encore franchi le pas et qui probablement préfère d'autres alternatives, etc. Toujours est-il que il y a la page Boycott Systemd. Et il faut savoir que le projet qui a été lancé par Lennart Puttering a reçu depuis des menaces de mort, tellement son application n'a pas été trop Mais en quoi elle pose problème ? Alors, elle pose problème au niveau de sa conception, c'est-à-dire que... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais lu les détails le mois passé, maintenant ça m'échappe un petit peu. J'ai recopié tous les articles au cas où on voudrait vraiment rentrer dans les détails. Bon, je pense et t'as pas que... un auditeur là sous la main qui pourrait nous expliquer à ta non, place. Non, mais je peux dire en gros et de très haut niveau, ce qu'on reproche à Systemd, c'est d'avoir introduit des dépendances. Donc il y a d'abord une philosophie qui est dans les normes et dans ce qu'on fait en général sous Linux. C'est plutôt la mentalité fais une chose mais fais-la bien. Ouais. Et ici, Systemd commence à faire beaucoup de choses. Et le problème, c'est que Systemd, c'est aussi à commencer aussi à ajouter des dépendances avec les environnements de bureau. Ce qui fait que Systemd devient incompatible avec certains environnements de bureau, ce qui est très très gênant. Et Et donc voilà, en fait, donc, si vous allez sur Boycott SystemD, vous allez trouver en, je pense, 12 points pourquoi il faut boycotter SystemD. Alors moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Personnellement, je n'en ai rien à foutre. Je pense que la communauté est assez grande pour se débrouiller et que si vraiment il y a un problème avec SystemD, le fork ou la nouvelle implémentation d'un système de démarrage verra le jour et on s'en sortira tous grandi. Maintenant, ce qui est encore aussi très drôle, c'est qu'un autre site a vu le jour et qui s'appelle don'tboycottsystemd.org, qui est la réponse à boycottsystemd.org. Et don'tboycottsystemd.org dit stop talking or stop talking and do something or just talk and do something, give a solution or contribute to a solution of your problem, pay much more attention and effort to a solution than to a problem. Donc en gros, il dit oui, ok, on peut critiquer, mais si vous ne faites que critiquer et vous n'apportez aucune solution, ça ne sert à rien, vous n'êtes que des brasseurs de vent. Et donc, je vous invite alors à participer activement à la construction d'une nouvelle solution, une nouvelle implémentation, si vous avez vraiment quelque chose à dire. Et si vous n'avez rien à dire, ben simplement, ou si vous n'avez pas envie de contribuer, d'agir et de régler le problème, simplement fermez vos gueules. Et voilà, c'est le message. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de la petite polémique SystemD. Que dire à ça ? Ben. Moi, je n'ai rien à dire. Mais si, tu as une belle application à nous présenter. L'application, allez, l'application. Ça te concerne justement, mais. Qui ? Ben, toi, ah. Tu vas être content. Vas-y. J'allais introduire mon application en disant qu'elle n'était pas pour toi, parce qu'elle n'est pas diffusée. C'est une application comme 99% du temps pour Android et iPhone, mais pas pour Firefox OS. Mais comme tu es passé sous Android, tu vas pouvoir profiter de cette magnifique application que j'ai trouvée en fait en recherchant ce qui manquait en Firefox OS dont tu nous avais parlé. C'était un terminal Unix, ah oui, qui te permettait de te connecter en command line sur toutes tes petites machines comme un vrai geek sur ton banana pie. Ça, évidemment, je l'ai installé du coup sur mon Android et j'ai bel et bien un petit terminal qui me permet. Et qu'as-tu installé alors? Alors, c'est une bonne question. Je peux aller chercher mon téléphone et te dire ce que j'ai installé. Ah, on va pouvoir dire du mal. Alors sinon, comme alternative à ce que tu as installé, ou bien pour les gens qui recherchent une application de ce genre, vient de sortir Reflection for Unix de Attachmate Corporation. Il est sorti ici début novembre. Et c'est une application extrêmement complète, gratuite, et qui permet donc de connecter en mode terminal n'importe quel serveur Unix, Linux, Android, en multiple SSH, multiple connexions simultanées, avec tout ce qui est couleurs et menus configurables, donc Telnet, SSH et compagnie. Attends, je t'interromps une minute, donc c'est mon terminal, c'est Terminal Emulator. Voilà. Voilà. Ça, c'est classique, mais très simple. Donc ici, oui, elle a un petit peu plus d'options et apparemment, c'est une vraiment très jolie application, mais que je n'ai pas encore testée. Mais est-ce donc, que c'est voilà, libre ? Ah bah écoute, j'en sais rien, moi. Tu me demandes ça. C'est sur le Play Store, donc oui, c'est gratuit. Ouh là là là là. Quoi, tout ce qui est gratuit n'est pas libre ? Ouais, c'est pareil, moi aussi, j'ai terminé l'émulateur. Par contre, je me demande si on peut utiliser VI. Android n'a pas VI. Mais bon. Non, mais justement, en fait, parce que tout à l'heure, on parlait des problèmes de GPS que j'ai avec mon Geekphone. Donc, je me suis un peu renseigné. En effet, il fonctionnait très, très mal sous Firefox OS, mais c'est exactement la même chose sous Android. Donc, j'ai été voir les fichiers de configuration. En fait, si vous allez dans /etc/system, vous avez un fichier qui s'appelle gps.conf. Et c'est ce fichier-là en fait qu'il faut aller modifier. Et donc j'y suis allé via le terminal. Et, oui. Et qu'est-ce que je voulais raconter à propos de ça, moi ? Je ne sais pas. VI. Ah oui, VI. Et alors je devais voilà. Je vais l'éditer sur VI. Je voulais éditer dans mon mini terminal sur mon téléphone le fichier. J'ai essayé VI et il n'est pas installé par défaut. J'ai essayé Nano et il n'est pas installé non plus par défaut. Non, par contre, il existe une version Emacs. Ah, oui, j'aurais peut-être dû essayer le Max. Pour Android. Si tu es sur en mode terminal sur ton serveur, pourquoi tu peux pas faire VI ? Non, mais c'est VI, je suis sur le terminal sur mon Android. Hein. Ah oui, pour faire du SSH. D'accord, mais non, mais donc ici, dans ce cas, oui, si tu te connectes sur ton serveur, et puis quand tu es connecté dessus, tu peux bien sûr utiliser tous les utilitaires de ton serveur. D'accord. Et donc voilà, j'en profite pour dire à tous ceux qui ont le Geekphone Revolution que le GPS, en fait, la puce GPS du Geekphone Revolution probablement fonctionne très bien, mais... il y a une série d'opérations manuelles qui sont à faire et il faut aller modifier tous les fichiers du GPS en fait. Alors, à la question, mais pourquoi est-ce que le Captain a à ce point-là travaillé pour améliorer son GPS ? C'est parce qu'il n'a pas pu hacker un portail. La dernière fois que je l'ai croisé dans un cimetière, il n'arrivait jamais, son GPS ne le repérait pas. Au bon endroit pour pouvoir hacker. Mais non, ne me dis pas que t'as joué à Ingress dans le cimetière le jour de la Toussaint, quoi. Autant. Mais je suis balancé, mais en pâture. Donc bon, voilà pour la petite anecdote. Le mec qui respecte vraiment la famille, quoi. En effet, le 1er novembre, nous faisons un pèlerinage sur les tombes de nos ancêtres et figurez-vous qu'il y avait un portal. Dans le cimetière et j'ai eu beau... Tu ne l'as jamais trouvé. T'as jamais réussi à positionner ton GPS. Je n'ai jamais réussi à positionner mon GPS pour pouvoir hacker ce portal. Et t'avais coupé le son quand même quand t'étais dans le cimetière et en te baladant avec non mais truc. T'es fou, j'y suis allé discretos hein, à un moment donné je me suis écarté de la masse familiale. J'ai été me promener un petit peu dans le cimetière en sifflotant. Non, en pleurant, en faisant semblant que tout ça t'affectait fort et que t'avais besoin d'un petit moment seul. Voilà. Quoi. Et puis en fait, j'allais hacker un portal. Bon, ami Bubule, as-tu encore des bonnes choses à nous raconter sur ce nouveau terminal ? Mais non, donc voilà. Il a vraiment l'air super. Mais il n'est pas libre. Non, mais j'en sais rien si je n'ai pas libre. Il faut aller voir sur attachmate.com/reflection. Et donc voilà, c'est le reflection attesté d'urgence. Ah ben bah parfait, mais je l'essayerai parce que le terminal que j'ai, le terminal émulateur, il n'est pas toujours super bien fait. Regarde, il est magnifique. Il y a des print shots avec un top là ou un topaz, donc on voit que tout ça marche super bien. Mais en fait, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question si c'était libre. En fait, ça m'étonnerait. Mais toi, tu es un peu comme un virus dans cette émission. Déjà, tu viens nous parler de mission spatiale et puis après, tu viens avec des terminaux qui ne sont pas libres. Quoi. Bon, bah écoute, la fois prochaine, j'essaierai de t'en trouver un libre si tu veux. Moi, je cherche des choses efficaces avant tout. Et donc, forcément, ce n'est pas toujours très libre. Bon, j'en ai assez entendu. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ? Non, pas... voilà. C'était l'appli du mois. Et eh ben voilà, ben moi j'ai fini aussi mes petites news. Et ben voilà, je pense qu'on peut déjà passer alors à ce moment-là au jeu de Tolrek, si Tolrek est prêt. Oh ouais. Allez, c'est parti. Bonsoir. Tolrek, arrête de laisser ces blancs, c'est insupportable. Ah oui, c'est à Tolrek de parler. Mais oui. Alors oui. Pour petite info, pendant le générique, Bubule m'a dit aimablement qu'il lui restait un dossier à présenter. Moi, malheureusement, j'avais compris que son dossier n'était autre que ce petit terminal. Ouais, non, mais attends, là, tu me traites de Tolrek ou quoi ? Et donc, on va quand même faire le jeu de Tolrek d'abord, et puis on reviendra sur le petit dossier, et puis après, on passera à l'invité. Ok. Parce que le générique a été passé, c'est le générique de Tolrek, et c'est le générique qui décide. Ok. Donc, voilà, moi déjà, c'est libre. Oui, enfin, moi, je tenais à le dire quand même, parce que vous qui nous écoutez depuis de longues années maintenant, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en fait, à la base, on parle Linux est libre. Voilà, voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est David qui s'est égaré, c'est Bubule qui s'est égaré, telle une brebis en train à la recherche de son chemin. Oh, nous parlons de trucs qui marchent d'abord et avant tout. Attends, si c'était le principe, il aurait jamais acheté un Firefox OS. Hein. Si on faisait le best-of des rubriques de Bubule, je suis sûr qu'il y a 80%, ça parle de l'espace. Il y a 10%, c'est des applications non libres. Il y a 5%, c'est des anecdotes avec moi en soirée ou bourré ou... Et 5%, ils présentent la bière. J'essaye de montrer que Firefox OS ne fonctionne pas bien. Ça, ça, sans moi, il n'y aurait ni bière ni son du mois. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement, qu'il vient avec la musique, c'est vrai. Oui, oui. Parfois libre. Et puis bon, je parle beaucoup de Google aussi. C'est pas libre, ça? Alors, laisse-moi mourir. Alors, bon, j'ai changé mon fusil d'épaule. Cette fois-ci, j'ai décidé de parler d'applications sous Android. Enfin, d'applications, de jeux, en fait. Ah! Ouais, je suis resté dans les jeux. Et évidemment, des libres. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas spécialement à la question, évidemment, on peut les trouver sur le Google Play. Mais moi, je conchis le Google Play. Je suis donc passé par F-Droid, qui est un dépôt d'applications libres. On en a déjà parlé lors d'une précédente émission. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé. Mais tu perds ta garantie, non, quand tu utilises des applications Ah non, parce que je n'ai pas dû le router pour le faire, j'ai dû juste accepter de passer par un autre système de dépôt. Et Google est d'accord avec ça? J'emmerde Google. Non, mais t'as téléphoné à Google pour lui demander. Mais en plus simplement, de toute façon, mon téléphone maintenant est routé, mais j'ai vérifié qu'on pouvait le dérouter aussi, donc de toute façon, en cas de problème, je gérerai le dérouter. Oui, on peut le dérouter, ça c'est... Tu peux dérouter. Bref, alors j'en ai choisi deux. Oui, car aujourd'hui... Deux jeux. Deux jeux. Mais c'est pas vrai. C'est juste énorme. C'est une première. Bah écoute, je me suis dit... Ça veut dire que le mois prochain, il vient pas. Vu que Bubule... je me suis surtout dit, Bubule ne fait plus de news. Hein. Comigland, à tout va. Faut que j'assure. Donc... Première application, premier jeu que j'ai choisi, ça s'appelle Recursive Runner. C'est français, visiblement. Cocorico, pour nos amis les Français. Cocorico, c'est de la boîte Soupe aux Cailloux. Et, Soupe aux Cailloux? Ouais, voilà. Alors, le principe, il est super simple. C'est, vous avez donc un tableau, on va dire, avec des lampions. Un fil avec 10, 15, 20 lampions différents, et vous avez un petit coureur qui saute. Vous pouvez le faire sauter en appuyant sur l'écran, et chaque fois que le runner, le coureur touche un lampion, il est électroguité. Non, il allume le lampion. D'accord. Quand vous arrivez au bout du tableau, puisque ça va de gauche à droite au début, vous recommencez avec un deuxième coureur. Sauf que votre premier passage a été enregistré, donc vous allez être confronté à vous-même en train de répéter exactement les mêmes... Vous croisez. Tu te croises. D'où le terme « recursive runner ». Une démo. Et est-ce que tu as un petit son à nous faire écouter là? Je vais passer le... Attends, tu me demandes de 1 mettre du son sur ce truc-ci? Bah attends, t'as une entrée mini jack... Mais non, mets ça. Waouh, c'est vrai. Et donc, vous pouvez assez simplement, et c'est, moi j'en parle parce que je trouve que ce jeu est tout bête dans le principe, mais est vachement bien foutu. Il est gratuit, il est libre, et que demande le peuple? Il ne contient pas de publicité. Non, pas de pub. Il n'est pas intrusif, il ne demande pas d'autorisation telle que l'accès à tous vos contacts, l'accès à votre disque, l'accès à votre Wi-Fi, l'accès à votre position GPS. Le capitaine est au courant que toutes les applications que j'installe sont... assez étudié sur les droits qu'elle s'octroie, donc voilà. Et donc en fait, chaque fois que vous allumez un lampion, vous gagnez 10 points et vos copies marquent autant des points tant qu'elles ne disparaissent pas. Et quand est-ce qu'elles disparaissent? Simplement quand le personnage que vous animez à ce moment-là à l'écran les touche. Est-ce que je suis clair? Je ne sais pas. Bubule. Non, j'ai pas compris quand le nombre de récursions était limité ou bien. Alors, il y a 10 récursions. Et chaque fois que vous touchez une de vos copies, elle disparaît. Ah, ça voilà. Veut dire qu'elle n'intervient plus pour augmenter des points. Et là, ça va quand même se terminer quand toi et tes récursivités ont allumé toutes les lampes. Alors, le but, c'est pas d'avoir allumé toutes les lampes, c'est de faire un maximum de points. Et ça va s'arrêter quand j'aurai fait 10 fois le tableau, en fait, simplement. Voilà. Et graphiquement, bah, c'est mignon. Oui, c'est pas mal. En fait, on l'a regardé justement ce week-end quand nous étions sur les tombes et que je cherchais mon portal. Okay. Tolrek. Ah, mais d'accord, toi tu cherchais ton portal et Tolrek jouait à ce truc-là. Tain, vous êtes vraiment très très respectueux des morts en fait. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? je n'ai rien à répondre à ça. Mais, moi je vous oblige pas à y aller tous les ans là, dans les cimetières. Oui, mais après on va en resto. On boit des bières à midi. C'est un rassemblement familial, que veux-tu. Okay. Et donc voilà, bah écoute, ton... Voilà. Rappelle le nom du jeu, parce que je... Recursive Runner. Alors, il se trouve sur le Google Play, sauf erreur de ma part, mais je conseille de l'installer via F-Droid, car F-Droid, il faut savoir qu'ils font un truc en plus par rapport à certaines applications, c'est que parfois, ils se permettent de supprimer des morceaux propriétaires ou des librairies des dépendances à des librairies propriétaires pour rajouter des trucs. Donc, c'est parfois intéressant plutôt installer l'application via F-Droid que Google Play. Voilà. Donc, le logiciel, on peut récupérer le code source et contribuer au code source, alors. Alors, écoute, ce qui est assez bizarre, c'est que sur le site, en gros, hein, il est licence GPL version 3. Il y a effectivement le code source, il est sur GitHub. Je ne sais jamais le dire, GitHub. Oui, GitHub. GitHub. Donc, il se trouve là. Maintenant, si tu vas sur le site de Recursive Runner, il n'est pas marqué la licence, ils ne te disent pas comment tu peux contribuer, bizarrement. En gros, les données sur la licence et où on trouve le code source et tout, je les ai obtenues via F-Droid. D'accord. Donc, mais sur le site internet de l'application en tant que telle, moi, je n'ai pas trouvé les infos. Voilà, voilà. Ok. Ok. Alors, le deuxième, ben, c'est un grand classique. Attends, j'ai un générique Intertolrec. Ça fait tellement longtemps que tu n'as plus présenté deux jeux qu'on avait presque oublié que j'avais ce... Ça existe ? Mais oui, souviens-toi, dans les années... Foutaise. Dans les années, enfin, je veux dire, au début, quand tu étais encore un grand chroniqueur dédié à son métier. Tu parles plus ou moins de l'époque où tu ne sous-traitais aucun dossier à des invités et tout ça. Donc, tu as recyclé un jingle, en fait. Bref, jingle. Et tu l'avais fini ce jingle là ou c'est encore bêta? C'est pas moi qui l'ai écrit celui-là. Ça s'entend que c'est pas moi vu que c'est tiré de Pac-Man. Ah, petit indice. C'est libre la musique de Pac-Man? Alors je l'ai trouvé sur un portal qui ne diffuse que de la musique libre. Donc j'ai supposé que c'était libre. En tout cas, c'est la responsabilité du portail. D'accord. Donc, petite parenthèse avant le deuxième jeu, le type de musique que vous venez d'entendre ressemble fortement au gros son du mois. Oui, j'ai jeté un œil sur le gros son. Qui sera donc un son 8 bits. Oui. Ah, là, voilà. C'est plus qu'un indice. Super. Mais ça va vous motiver à rester jusqu'à la fin. Je me demande si je vais pas me casser avant. Non, tu dois encore faire un jeu. Ok, alors le jeu, c'est GL Tron. Alors, je pense pas que je l'ai déjà présenté sous Linux, puisqu'il existe sous Debian. Est-ce que vous vous souvenez de ce vieux film des années 80, Tron? Bah, bien sûr. Et vous vous souvenez, oui, qu'il y a eu un remake d'ailleurs. Oui, j'ai pas regardé le remake. Vous vous souvenez de ces personnes qui montent sur une moto avec des lumières partout et qui font des courses? Mmh. Et bien, en fait, c'est ça. Donc, ce jeu consiste, vous pilotez une moto. Vous avez un grand tableau, un grand espace vide, vous avancez, derrière vous, vous construisez un mur, en fait, un mur de lumière. Oui, c'est comme si la fumée devenait épaisse, opaque. Vous ne pouvez toucher la fumée de personne. Oh, bah, c'est comme un Snake. C'est comme un Snake. Sauf que Snake, tu as une queue qui avance aussi, si je puis me permettre. Oui. Ah oui, là c'est la fumée, elle ne bouge rien. Dès que tu démarres, tu commences à dessiner ton tracé. Ce qui est idiot, parce que ça devrait être l'inverse. La queue, elle est permanente, alors que la fumée, elle se dissipe. Non, la queue n'est pas permanente. Le serpent, quand il avance, il ne s'allonge pas. Parce que quand il bouffe, elle grandit. Alors pourquoi Ouais, tu vois ce que je veux dire. Oh. Oui, mais bon, pas moins que de la fumée. Je vous rappelle que le but, c'est que les gens s'amusent avec le jeu, pas qu'ils trouvent une forme de réalisme philosophe derrière le truc. Quoi. Allez, fais-nous une démo, le son. Voilà. Donc, GL Tron existe sous Debian, enfin sous Linux depuis une chier d'années, mais il existe également, il est porté sur Android, et mine de rien, moi je trouve que ben, il est bien sympa, puisque ce sont des jeux qui demandent quand même de ne pas se prendre la tête. Attends, je vais venir voir. Donc voilà. Oui, mets déjà le son. Ah, il est mis, sauf que évidemment, tu me connais, moi dans mes options, j'ai dû virer le son, donc je vais aller rechercher le son. Je suis un grand rebelle. Hop là. Donc, musique. Et ça devrait partir d'ici peu. Dès que... Voilà. Alors bon, là je suis en train de conduire, hein. Simplement je construis mon mur et évidemment comme tout personnage dans Tron, je vais essayer d'empêcher les autres de m'encapsuler dans leur propre barrière. Voilà, et la musique... Ah oui, c'est carrément bien fait. Vous pouvez l'apprécier. Alors oui, c'est-à-dire que sur PC, vous trouveriez ça un peu cheap. Sur un téléphone portable, on peut dire que ça donne pas mal. Ça fluide. Bon, maintenant, j'ai pas un mauvais téléphone portable. Je suis pas sûr que sur les téléphones un peu vieux, ça roulerait aussi bien. Donc, voilà. Oui, en fait, quand t'as commencé à parler du jeu, je m'imaginais quelque chose à la, justement, Snake, c'est-à-dire qu'on voit de tout non, en haut. Ici, oui, c'est en 3D. Hein. Ici, c'est en 3D. C'est pas mal du tout. On peut changer la vue, d'ailleurs. On peut la mettre un peu comme à la troisième personne ici. Donc, j'ai une vue un peu, pour ceux qui ont joué à Lara Croft, donc une vue à la troisième personne, donc on voit le personnage, ici je vois ma moto. Voilà, on voit ta moto, on la voit de derrière en fait, on la suit. Je peux le jouer en plus ou moins en première personne, c'est-à-dire où, comme dans les jeux, les FPS où on voit les armes, ici on voit juste le début de la moto. C'est beaucoup plus difficile puisqu'on n'a pas une vue globale sur la manière dont les autres joueurs font le circuit. Mais est-ce que ça manque pas un peu d'action? T'es en train de tourner, énormes carrés. Et ça, c'est parce que je parle avec vous. D'habitude, je vais les chercher et j'essaye de les éliminer. Ah. Mais effectivement, le petit défaut de ce jeu, c'est que pour peu que t'arrives à construire une grande zone, il y a moyen de jouer assez lentement en faisant des zigzags continuellement jusqu'à ce que les autres s'explosent eux-mêmes contre leur propre mur. Voilà, je viens de gagner en jouant de manière très pacifique. D'accord. Eh bien. Voilà, et donc il y a moyen de jouer avec contre 6 intelligences artificielles. Voilà. Pas mal, il est beau, il est beau. Il est libre. Alors, j'ai licence GPL. Le code se trouve également sur GitHub, c'est ça? Ouais. Voilà. Et voilà, c'est un package qu'on trouve sur F-Droid, mais je pense avoir vérifié qu'il était également sur Google Play, comme souvent. Pas de pub. Évidemment. Mais parfait, que demande le peuple? Alors, du sexe? Jesus, mais c'est à toi de présenter un nouveau jeu de Power Rolling. C'est quoi, j'ai pas droit à un jingle, moi? Si, si, si, justement. Alors, je vais aller choper le fameux générique interlude tout pourri que je ne sais jamais quand placer. Eh ben merci, ça fait plaisir. À ton service. J'ai eu le plus beau jingle. Alors, ce mois-ci, je vais vous parler de OpenStack. Voilà, quelque chose de libre, ça va vous faire plaisir. Vous voyez bien que je prends quand même mon rôle à queue. Je vois. Vous savez ce que c'est que OpenStack? Non. Sam? C'est pour faire du cloud, non? Oui, oui. Ou je me plains? Non, juste, apparemment. Si, si, c'est bien ça. Donc... je vais vous lire ma petite introduction, hein, puisque je l'ai pondu cet après-midi. Avant de travailler. Toujours bien en avance. Oui. Alors, oui, mais c'est la sélection d'un bon sujet qui prend du temps. Tu non, comprends. Tu parles. Donc, ça veut dire que ce matin, tu t'es levé, tu t'es dit putain, je suis à la bourre. L'émission ce qu'est-ce soir. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de news. Bah, je vais présenter une application pas libre. Et puis, si j'ai l'occasion, je vais parler de mon cloud. Non, mais c'est pire. En revenant, sans doute, du boulot dans la bagnole, il a entendu un truc sur l'espace. Il a dit bon, ça ferait l'affaire. Ça ferait l'affaire, comme de toute façon, j'ai rien. Non, non, ici c'est un sujet mûrement réfléchi et qui va dans la continuité de quelque chose dont je vous avais parlé avant les vacances, il y a deux émissions, qui était l'Open Power Foundation. Vous vous souvenez ? Fruit d'une collaboration ouverte autour de l'architecture Power initiée par IBM. Et bien donc aujourd'hui, je vous parle d'un autre acteur du monde libre, mais qui est maintenant sur une couche plus software que hardware, et c'est donc OpenStack. Donc OpenStack est un ensemble de logiciels open source qui permet de déployer des infra de cloud computing. Donc pour les architectes, on peut appeler ça un framework de gestion de cloud. Et c'est aussi défini pour le marketing comme de l'IaaS. Donc c'est une infra as a service. Donc cette technologie possède une architecture modulaire composée de plusieurs projets qui sont corrélés et qui permettent de contrôler différentes ressources de machines virtuelles telles que la puissance de calcul, le stockage ou encore le réseau. Le projet est porté par une fondation également, donc, qui est la fondation OpenStack et qui est non commerciale et qui a pour but de promouvoir ce projet OpenStack ainsi que de protéger et d'aider les développeurs sur toute la communauté OpenStack. Qui est donc bien entendu composé de sociétés, mais aussi de personnes physiques indépendantes. Alors, les entreprises qui ont déjà rejoint la fondation sont... Red Hat, bien sûr, Canonical et Suse pour les développements Linux. Pour tout ce qui est plus hardware, on a AT&T, Cisco, Dell, HP, IBM... Et puis, je vois aussi Yahoo, Oracle, VMware, Intel, etc. Quand même des grands acteurs. Oui, oui. Et à noter que comme pour l'Open Power Foundation, c'est IBM qui est Platinum, donc qui est un des membres fondateurs, avec, ça je dois retrouver sur une autre feuille, un morceau de post-it avec Rackspace Hosting et la NASA qui étaient les fondateurs, en fait, c'est-à-dire un hosteur et un client, enfin un client, un utilisateur, puisque la NASA est un des fondateurs mais premier utilisateur également de OpenStack. C'est donc bien un logiciel libre, ouais, ça c'est noté, bien, vous êtes content qui est distribué selon les termes de la licence Apache. Alors, beaucoup annoncent OpenStack comme la clé de voûte des infrastructures cloud open source. L'engouement que suscite OpenStack est énorme car cet ensemble normalisé et ouvert d'outils a été conçu pour rendre l'infrastructure cloud commode et pratique. Donc voilà, ça c'était un peu la définition tout public. Et j'ai été chercher aussi sur son propre site la définition sur la page d'accueil d'OpenStack. Qui se définit comme étant capable de contrôler des grands pools de calcul, stockage et ressources à travers un centre de données, géré par un tableau de bord ou l'API OpenStack. Donc là, on voit, c'est déjà deux modules dont on parlait tantôt, un peu comme SAP, hein, qui tourne sous différents modules. Des centaines de grandes marques dans le monde comptent sur OpenStack pour gérer leur entreprise chaque jour en réduisant les coûts et les aider à évoluer plus rapidement. OpenStack a un écosystème solide et les utilisateurs qui cherchent un soutien commercial peuvent choisir parmi différents produits et services OpenStack sur le marché. Donc ils ont, comme les distributions Linux, des formules de support OpenStack. Le logiciel est construit par une communauté florissante de développeurs en collaboration avec les utilisateurs. Et enfin, OpenStack en quelques chiffres, c'est déjà plus de 18 000 personnes, 430 sociétés partenaires dans 145 pays. Et plus de 20 millions de lignes de code. Voilà. Est-ce que tu l'as déjà... des questions ? Expérimenté. Non. Parce que moi, j'ai du mal à faire le lien, donc... Eh bien, c'est simple. Tu as... en fait, il peut être utilisé pour cloud privé ou public, peu importe. Dès le moment où tu as des machines que tu veux virtualiser et distribuer à tes clients... Eh bien, il te faut une couche de gestion qui est souvent fournie, bah, par exemple, par un hyperviseur, ouais. Si tu as un Linux avec plusieurs petits clients, par le SX. Mais ici, c'est plus vaste que ça. C'est une couche qui te permet de gérer aussi ton stockage, c'est-à-dire qu'elle aura des pilotes pour aller attaquer des armoires de disques EMC, NEC, peu importe. Elle aura des couches de pilote qui permettra d'aller gérer tes switch réseau. Donc, elle aura des interfaces, des API pour aller attaquer tes Cisco, tes Brocade, etc. Et puis, elle aura une gestion des users, donc qui seront tes clients. Tous ces modules seront interconnectés. Et donc, dans une seule interface, tu vas gérer depuis la création de tes machines virtuelles jusqu'à leur facturation dans le cadre d'un cloud. Selon le nombre d'utilisations CPU, toutes ces choses-là peuvent être gérées par tous ces modules. Alors que si tu n'as pas un logiciel comme ici qui gère tout, c'est quand même assez compliqué de gérer un cloud parce qu'il te faut, plusieurs, même une multitude d'outils pour rendre tous les services dont tu as besoin pour gérer ton infra. Donc le cas concret, c'est celui, par exemple, d'une société qui investit, admettons, dans un gros serveur et qui a une énorme capacité disque, qui possède ses propres SAN, disons, et il décide, à travers cet immense serveur et cette grosse capacité disque, de mettre à disposition un espèce de parc de serveurs pour, par exemple, le développement informatique. Et donc, tu peux installer OpenStack. OpenStack. Tu peux installer OpenStack sur ton serveur et lui, il va se charger de partager le CPU entre les machines. Il y a aussi un orchestrateur, il y aura un module de financement, de facturation selon l'utilisation, gestion d'user. Ça peut gérer l'élasticité d'une demande, par exemple. Si moi, par exemple, pour CaptainPosix.net, j'ai une souscription chez DigitalOcean qui nous avait été conseillée par nos amis québécois de Blog Linux. Et je paye pour une capacité disque, une certaine puissance CPU, puis une mémoire RAM et puis une disque. Voilà. Mais maintenant, si je vais au-delà, avec un certain type d'abonnement, on peut rentrer dans de la consommation à la demande. Ouais, bien sûr. Tous les projets sont interconnectés, mais sont des modules. C'est comme je dis ici, donc c'est la capacité de gérer le CPU mémoire, réseau, stockage, des dashboards, donc tout ce qui est pour le client, surveiller l'utilisation de sa machine et services partagés, etc. Et tout ça dynamiquement. Donc oui, tu pourras augmenter aussi la puissance de ta machine dynamiquement grâce à ces interfaces-là qui via API, j'imagine, iront attaquer les couches hardware. Mais c'est sans doute pour ça que c'est aussi les grands qui sponsorisent tout ceci, parce que c'est, je suppose que derrière, en fait, il y a, si on veut avoir une offre commerciale, il faut des data centers. Exactement derrière. Comme pour l'Open Power Foundation, c'est bien sûr IBM qui sponsorise le tout pour promouvoir son chip Power 8. Entre parenthèses, depuis que j'en ai parlé, il y a encore deux géants qui ont produit maintenant des machines qui sont en vente sur leur site internet à base de ce chip qui a été donc libéralisé par IBM. IBM est ici derrière également aussi, bien sûr, parce qu'eux, ils ont besoin de ce genre de couche software pour gérer tout ce qui est virtualisation, puisque leurs machines deviennent de plus en plus puissantes. Et oui, tu voulais. Oui, et si justement tu parlais du chip Power 8, si on veut, est-ce que c'est possible de faire une équivalence? On peut diviser cette machine, ce serveur, en combien de serveurs qui peuvent offrir par exemple 1 GHz? C'est un calcul qu'on peut faire, ça? Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Je pense que en fait, tu as une machine immense avec 128, 192, 256 cores qui sont tous à 1 GHz, et avec tout ça, tu peux générer des milliers de machines virtuelles, mais qui auront toujours, en plus petite unité, un core, même si les cores virtuels peuvent être moins qu'un core. C'est parce qu'ils font partie d'un pool de CPU, et jamais tous ne travaillent en même temps, et donc on est capable de s'en sortir comme ça, mais un process a toujours besoin au minimum d'un thread, et quand tu rentres dans le CPU, tu travailles pas à une fraction du gigahertz. Oui, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, je voulais aussi terminer. Bah justement, tu parlais de ton hébergeur. Les plus gros clients qui ont déjà adopté OpenStack. Donc là, tantôt, j'ai parlé des entreprises qui ont rejoint la fondation. Mais les plus gros clients, bah, je l'ai dit aussi, c'était NASA à l'origine. Mais aussi, entre-temps, Deutsche Telekom. Et puis, OVH, Numergy et CloudWatt. Là, c'était important de le mentionner parce que ce sont les trois plus grands hébergeurs de cloud public français. Donc OVH, ça tout le monde connaît, tu es bien placé aussi pour le savoir. Numergy, c'est un cloud public qui a été mis en route par Atos, je pense, Bull Atos. Et CloudWatt, je connais moins, mais j'ai vu que c'était aussi un hébergeur de cloud public français. Et donc voilà, c'est clairement une couche logicielle indispensable pour toute personne qui veut gérer son infrastructure partagée. Donc voilà, j'espère que très bientôt vous aurez l'occasion de jouer avec ça, parce que je pense que ça va devenir incontournable. Et j'en ai plus ou moins fini, sauf si vous avez des questions. Bah, c'est-à-dire qu'on va devoir en poser puisque le captain s'est cassé et que tu vois, enfin c'est lui qui a les jingles. que veux-tu qu'on fasse quoi? Ah ben je peux enchaîner sur la deuxième bière avant de passer la parole à Sam. Mais alors oui, voilà, je ne m'étais pas absenté pour très longtemps, ni je n'étais pas parti très loin. J'allais juste chercher la prochaine bière dans le frigo que Bubu nous a amené, et voilà, je te laisse. Donc on a une triple moine de la brasserie du Boc. La brasserie du Boc, la gauloise. Ouais, la brasserie que tu visites une cinquantaine de fois, mais sans problème. Moi, je suis un grand fidèle de la gauloise, c'est la bière que j'achète le plus, c'est la gauloise ambrée, c'est une de mes bières préférées. Bah, écoute... Je pense pas qu'elle se trouve facilement en France. Mais voyons si... Je crois pas qu'il y ait... Non. Un autre produit de cette brasserie te séduira également. Triple pour les amis français qui connaissent pas forcément bien les méthodologies de brasserie. Ça, c'est pour triple fermentation, bien entendu. T'es poil condescendant sur ce coup. Nous avons un degré d'alcool à 7,3. Un aspect blonde, vivante, une mousse fine et généreuse. Un nez de fruits pommes vertes plus houblon. Ça, c'est toi qui l'as déterminé. Et ou... un goût peu amer, moelleux et une bière ronde en bouche. Bonne dégustation. Oui, ceci dit, la Goliath, elle était pas mauvaise. Elle était pas mauvaise, non. C'est vrai qu'on en a pas, on l'a pas débriefé. Je l'ai trouvée un peu sèche. Elle m'a donné soif. Non, mais c'est vrai. Dans la mesure où tu vois comme un vieux whisky là, t'as envie d'un verre d'eau après. Ben, ouais, t'as la pâteuse quoi. Donc voilà, on va être obligé de continuer parce que là, genre. Eh bien voilà, pendant que Captain nous sert, c'est malheureusement Sam qui n'a pas droit à son petit verre puisqu'il est dans un écran d'ordinateur qui va pouvoir enchaîner. Très loin, effectivement. Mais je viendrai vous voir la prochaine fois. En ceci dit, rien de ne t'empêche de boire tout seul chez toi en discutant avec nous. Hein. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Alors ben voilà, là-dessus on va. Merci bien pour ce petit dossier improvisé. Moi qui pensais que t'en avais improvisé, pas. Improvisé. Enfin, pas je l'ai préparé toute la tout le mois. Tout le mois, bien entendu. Non, je disais improvisé dans le sens où il était improvisé de mon point de vue. Hein. Dans l'ordonnancement. Je pensais que t'en avais pas glandé une. Vas-y, mais, rame. Vois, continue à ramer. Je me suis trompé. Bon, là-dessus, on enchaîne avec la partie de l'invité et on se retrouve après ce petit générique. J'aime bien quand c'est libre. Le paradis, c'est bonne source. La voix est libre. Oui, alors, la voix est libre. Oui. D'habitude, tu commences comme ça. Oui, d'habitude, je commence comme ça en disant oui, la voix est libre. Mais non, je ne l'ai pas dit. Puisque à chaque fois que je le dis, tu me fais la remarque. Donc, je ne le dis plus. Et maintenant, parole à l'invité. Et donc, notre invité, Sam, qui nous a dit un peu brièvement... qui il était, d'où il venait, et pour ceux qui viennent de la région de Charleville-Mézières, eh bien vous êtes à envier, les amis, car il se passe beaucoup de choses, et ça notamment grâce à Sam, et grâce à son association. Alors on va commencer par là, puisque c'est aussi à travers cette association que Bubule et moi on t'a rencontré. Et donc voilà, cette association s'appelle Hilar. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, effectivement, tu nous as rencontrés, vous nous avez rencontrés au Cabaret Vert cette année. Donc, on tient un stand de l'association Hilard, qui veut dire informatique libre en Ardennes, sans S. On fait la promotion et le développement des logiciels libres dans la région. Donc, c'est une association qui a été créée en mars 2007. Donc, elle a plus de 7 ans. Et on doit avoir une quarantaine de membres, sympathisants et puis membres actifs. Donc vraiment membres actifs, on doit être une quinzaine. Une quarantaine de membres, c'est quand même... Pas mal. Ouais. C'est quand même beaucoup. Hein. Oui. Alors, il fut un temps, au tout début, on a dû tourner à 70 personnes. Donc, Nous aussi, il fut un temps, on avait une cinquantaine d'auditeurs. Mais maintenant, voilà. Maintenant, malheureusement, voilà, maintenant, ils sont le temps deux. Fait que les membres, voilà, il n'y a plus beaucoup. Ouais, et d'ailleurs, c'était une des associations libres, une des plus grosses de France, non? Ouais, exact, tout à fait. Si je me souviens bien de ce qu'on a raconté, c'était même devant Paris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait été voir différents LUG. Alors LUG, c'est Linux User Group ou groupe utilisateur de Linux. Donc on avait été voir ceux de Paris, de Lille et de Reims. Et ils n'avaient pas autant de membres que nous. Quoi. Donc on était une certaine fierté, je dois dire. pour un département, un tout petit département et assez éloigné un peu de tout. Le département Charleville-Mézières qui est le 08. Le département des Ardennes, c'est un des seuls que je connais. C'est le sanglier. Mais non. Oui, c'est ça. On a le sanglier, voilà. C'est comme la province de Luxembourg, quoi. Oui, oui. Comment oui. Chez nous, la province de Luxembourg a comme emblème le sanglier. Ouais. Les Ardennes, c'est super attendu. Hein. Parce que Tolrek et moi, en fait, nous sommes originaires des Ardennes belges, n'est-ce pas? Tout à fait. Et oui, on ne le dit pas assez. On devrait en être beaucoup plus fiers. Par contre, c'est pas qu'on n'en est pas fiers, c'est qu'on ne voudrait pas foutre la gêne à Bubule, qui, bien entendu, n'a pas ce fier sang. Il vient du Brabant. Du Béoué. Il vient du Béoué. Et en fait, on ne s'en vante pas non plus trop aux questions libres, parce que je pense que les activités dans les Ardennes belges, en termes de... mouvement libriste, c'est plutôt limité. En tout cas, c'est certainement moins poussé qu'à Charleville. Bon, vous avez un LUG à Namur. Ouais, oui, mais Namur, ce n'est pas les Ardennes. Il y a Lilith à Liège, mais ce n'est toujours pas les Ardennes. Les Ardennes, c'est vraiment le sud-sud belge, c'est pas une grosse partie. Les Ardennes, c'est plus chasse et pêche, si tu veux, alors que Namur, c'est là que ça se passe, quoi, c'est The Place to Be. Ouais. C'est pour ça qu'on habite là. Mais le problème du Béoué, c'est la consanguinité, ça c'est définitivement. Je sens qu'on dérape. Dans le Béoué, ils ont des iPhones, donc hors sujet. Sans transition, quelles sont les activités, les événements proposés par l'association Hilard? Alors, tous les jeudis, nous avons une permanence. Avant, c'était à la Ligue de l'enseignement des Ardennes à Charleville-Mézières. Maintenant, la permanence se trouve dans un petit village qui se trouve à côté de Charleville. Et donc, c'est une permanence qui tous les jeudis, de 18h jusqu'à très tard le soir. Donc, on accueille les gens pour qu'on leur installe Linux et on fait aussi des formations. Donc, formations sur Scribus, GIMP, Open LibreOffice. Et on a fait aussi des formations sur WordPress, création de site internet. Ah, ça pourrait intéresser le captain hein, qui cherche toujours à configurer son WordPress. Mais c'est non, pas on n'est plus sous WordPress, nous, quand même. On est sous je sais plus quoi. On est sous Drupal. On est sous Drupal. D'ailleurs, petite parenthèse, il y en a un qui a fait remarquer que le captcha pour mettre un commentaire, c'était toujours la même addition. Oui, c'est vrai. Et ça doit être un bug Drupal. Non, parce que c'est un bug du captain qui doit changer le truc. Non, c'est pas du tout un bug. C'est juste un mot modules comme vous pouvez en installer aussi sous WordPress. Mais donc il y a fixe, il n'y a pas un random. Non, non en fait tu peux entrer plusieurs questions. T'en as mis qu'une quoi. Mais non, mais j'en ai mis qu'une, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est juste parce que les robots, en fait, si vous ne mettez pas ça, les robots ils vous spam avec des requêtes HTTP, ils vous insèrent des commentaires. Les robots aussi, après deux fois, ils ont compris que 4 plus 6 ça fait 10. Ouais, peut-être les robots qui targetent Google, mais pas le site du Captain Posix. Hein. Donc, je n'ai pas encore trouvé un robot assez intelligent que pour essayer de décrypter. C'est pour ça que pour lire ta news. 10 plus 4, je mets une fois en lettres, une fois en chiffres. Et bon, bref. Bref, ce n'est plus WordPress. Ce n'est plus WordPress, le site du Captain Posix est en Drupal. Donc, désolé Sam, on ne t'enverra pas le Captain Posix en formation. Non, mais ça ne fait rien. Il viendra nous voir, on fera la tournée des bars de Charleville. Tout à fait. À mon avis, tu pourrais l'avoir. Ça, c'est sûr. Ah oui, donc qu'est-ce qu'on boit le jeudi dans ton atelier? De la couac, de la faro. Ah tiens, de la couac. Et vous avez des verres en trompe là? Oui, exact. Après les permanences, on va à un bar qui s'appelle La Péniche. Voilà. Oui, La Péniche. Donc, c'est un bar qui se trouve dans une péniche. Mais c'est sympa. Voilà. Et c'est le Bitu, non? Attends. Le Baratin à côté aussi. Ah, il y a le Baratin. Il y a un bar qui s'appelle le Baratin. Non, parce que c'est ce que je disais avec Sam. J'ai passé quelques petites vacances à Charleville-Mézières puisque j'ai un ami. Qui habitait et j'ai traîné dans quelques cafés et j'ai essayé de retomber sur un nom de café à Charleville-Mézières où j'étais passé, mais je ne m'en souviens pas. Mais c'est pas grave. Et donc, dans ces permanences où vous formez les utilisateurs, c'est quoi la popularité de l'événement? Vous êtes à peu près combien Tout dépend. On peut être 10-15 personnes, on peut monter des fois jusqu'à 20 personnes. Mais pas plus parce qu'après c'est. Ah oui, c'est ingérable parce que vous êtes combien? Si t'as 15 personnes, entre guillemets, des clients, des animateurs. En général, il y a 4-5 personnes pour gérer ce flux de. D'accord. Ce flux de personnes. Et les tranches d'âge, c'est hyper varié. Hein. Ça va du étudiant jusqu'au retraité. D'accord. Et donc ça, c'est un peu sympa. Mmh. Mais bon, voilà, on tourne, oui, comme je vous dis, à 15 personnes et c'est bien comme ça. Pas mal, hein. Et quels sont je sais pas, toi tu as sans doute préparé une liste de questions, mais je m'incruse dans l'interview pour te poser celles qui me viennent à l'esprit. Quels sont les moyens de promotion alors pour cet atelier? Vous faites une pub dans un journal, dans une radio ou bien à bouche à oreille ou... C'est du bouche à oreille. Alors au début, on a eu des articles dans le journal local, l'Ardennais. Et puis voilà, nous on a beaucoup de relations un peu avec le milieu de l'éducation, donc ça marche plutôt bien. Nous on est affilié à ce qu'on appelle la Ligue de l'enseignement, donc c'est une structure qui rassemble plein d'autres associations. Et donc grâce à ça, on diffuse un peu notre bonne parole. Et la Ligue de l'association diffuse aussi un petit fascicule avec toutes les formations qu'on propose. Voilà quoi. Donc vous avez des associations qui viennent aussi nous voir et on leur fait des formations à ce sujet. Et alors à Charleville-Mézières, il y a aussi les apéros web. Ah oui, exactement. Alors les apéros web. Alors je suis pas trop dans les apéros web parce que c'est pas vraiment de l'association Ilan, mais effectivement depuis mois de septembre il y a eu 3 apéros web. Alors ça se déroule le dernier jeudi du mois, et le dernier s'est passé jeudi dernier, et le prochain c'est le 27 novembre, jeudi 27 novembre. Alors pour ça il faut aller sur leur page Facebook et il faut taper dans la barre de recherche apéro digital. Et vous allez directement avoir toutes les infos sur cet apéro web. Mais qu'est-ce qu'on y fait? On boit des bites? On se retrouve sur un chat et on fait comme si on était au café, ou on se retrouve en réel et on fait comme si on était dans un chat? Non, mais là on se rassemble. Enfin, là pour les apéros web, ils sont rassemblés dans un petit bar à côté du musée Rimbaud. Là. donc qui s'appelle le Barata. Et la dernière fois, ils étaient une trentaine. Donc voilà, et le but du jeu, c'est un peu de tisser un peu des liens réels, des connaissances, voilà, d'avoir un réseau de connaissances dans le milieu web, geek entre guillemets. C'est un peu la franc-maçonnerie du geek. On peut voir ça peut-être comme ça aussi. Non, mais quand même pas. Mais voilà, c'est plus un lieu de rencontre, je pense, assez intéressant. Voilà. Et alors, dans... Il y a une vidéo qui tourne justement sur le dernier apéro web. Et quel est le pourcentage dans l'apéro web et dans ton association de femmes? Ah, bonne question. Alors, dans mon association, Hillard... C'est pour voir si je fais faire le déplacement ou pas, quoi. Ouais. Il y a 2-3% sur 15. Beaucoup, Non, 2-3 sur les 15 ou 2-3%? Non, on est quoi? Allez, allez, sur les 15, oui, 3 filles. Ah bah, ça va. 3% sur 15, donc il y en a une demi. Mais bon, le but du jeu de la sauce, c'est pas trop pour rencontrer des filles. Oui, c'est ça, c'est pas trop pour draguer. Ça. Ouais, mais rien ne l'arrête, hein, Bubule. Bubule, il est chaud, Boulette. Hein, Déjà qu'il a toujours pas été pissé, donc il se sent plus, quoi. Ouais, là, il attend. Non, ça va, je tiens le coup aujourd'hui. Et alors, un autre truc qui... Quand on a discuté de nouveau, donc ici, c'est un peu le... C'est un peu le... D'habitude, on a bien compris que t'as déjà fait tout l'interview. Non, alors là, loin de là. Donc c'est ça que je voulais un peu dire, c'est que l'association, c'est une chose, Hillard, qu'on a un petit peu présenté, mais alors il y a énormément de choses à dire que dans la participation active de Sam dans le monde du libre, et donc on a sélectionné une série de sujets, et donc d'habitude on est plus centré sur le sujet en lui-même. Mm-hmm. Ici on est plus centré sur l'invité et sur tout ce qu'il a fait, et l'éventail est assez large, et c'est pour ça qu'il faut déjà passer au sujet suivant qui est... Je dirais que par rapport à mon expérience, ça peut servir à d'autres ligues ou à d'autres associations qui gravitent un petit peu dans le monde de la technologie, quoi, du web, ce genre de choses. Donc, voilà. Par rapport à nos actions de promotion et puis créer du travail. Mais là, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Oui, exactement. Ça fait partie des sujets dont il faut qu'on parle. Mais le sujet suivant que j'avais sélectionné, c'est, et là je pense que certains auditeurs vont être très très contents. Les jeux de bowling. C'est, non, pas un jeu de bowling, c'est que vous avez fait un podcast. Ouais, exactement. Depuis quelques années, on a créé une petite émission. Qui se déroule en live. Oui, c'est ça, je dis un podcast, ouais. Mais le terme n'est pas tout à fait exact, puisque voilà. Vous, au départ, vous faites de la FM, et... voilà, mais les émissions peuvent être téléchargées par la suite. Voilà, exactement. Donc, il y a une petite radio locale qui s'appelle Radio Bouton. Alors, c'est une diffusion très très restreinte dans les Ardennes, hein, je vous l'accorde. Mais on a un petit créneau horaire, le mercredi 17h-18h, donc c'est une petite émission radio sur le libre, un peu comme ce que vous faites, hein. Donc elle est décomposée en plusieurs sections, c'est comme vous faites, hein, les news, le dossier important, entrecoupé de musique libre, voilà. Ah. Et l'émission s'appelle Libre à vous. Et vous pourrez retrouver toutes les émissions depuis le début sur le poste là, que tu vas faire. Oui, oui. Et là, on en est à la 44e émission. Je n'étais pas sûr hier, mais j'ai reconfirmé avec un des présentateurs. Oui. Et donc, on est à 44e émission. C'est déjà pas mal. Ouais, autrement dit, vous bossez quand même autrement que nous, quoi. Ceci dit, non, vous avez une émission d'une heure et on en a peut-être la moitié, mais c'est des émissions de 3 heures, donc on gagne quand même. Non, mais ce que ça m'a surtout dit, c'est qu'il y avait un dossier travaillé. C'est pas le thème d'émission, c'est pas le... C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, nous, c'est plus quelque chose de super, un format court, et si on défalque un petit peu les musiques, effectivement, il y a peut-être 45 minutes d'émission, quoi, mais... et librement, enfin, et téléchargeable. Voilà. Oui, alors à ce propos, la dernière fois que je suis allé voir, puisque évidemment j'étais très intéressé de vous écouter, et je voulais commencer par la dernière émission, puisque c'est toujours en général la plus intéressante, puisque c'est celle qui colle le plus à l'actualité. Mais la dernière émission datait de décembre 2013. Est-ce que le problème va être résolu bientôt ? Exactement, incessamment sous peu, parce qu'on va rajouter les 10 émissions qui nous manquent, parce qu'on fait une émission tous les mois. Voilà. C'est donc en gros, l'émission a toujours à continuer, mais c'est la mise à disposition en téléchargement. Oui, c'est ça, voilà, qui voilà, s'est voilà, voilà, exactement. Okay. Ouais. C'est voilà, parce qu'il y a eu un changement de technicien en cours de route. Donc voilà quoi. Et il y a au début, on était, enfin, il y avait 4 présentateurs et un technicien. Et voilà, pour gérer un peu tout ça. Maintenant, ça s'est réduit par rapport à l'émission de l'année dernière. Ouais. Et au niveau de la démarche pour la radio locale qui est Radio Bouton, est-ce que c'est Radio Bouton qui essaye de compléter sa grille et qui trouve que l'idée de parler du libre est bonne, ou bien c'est plutôt vous qui venez vers la radio avec un projet ? C'est les deux démarches. Pour Radio Bouton, c'est une émission en plus, une émission intéressante, centrée sur quelque chose de technique. Et puis nous, parce que dans l'association, il y a Mickaël qui est technicien et présentateur dans Radio Bouton, et qui fait partie aussi de notre association. Donc ça fait que il a poussé un petit peu Radio Bouton pour proposer ce genre d'émission, quoi. Qui n'est pas classique, qui n'est pas... Et donc voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'auditeurs Alors justement, je ne sais pas du tout. Moi je pense que il n'y en a pas des masses en live. Hein. Et pareil, quand on télécharge, j'ai pas de stats. Franchement, j'ai pas de stats du tout. Je me suis toujours demandé comment... parce que d'où en fait... Quand j'étais jeune, n'est-ce pas, et que nous habitions encore dans la région des Ardennes, il y avait une radio absolument formidable qui était Radio BO. Voilà, Radio BO, qui avait un caractère extrêmement local, avec des accents très prononcés de la part des présentateurs. C'est-à-dire que il y avait un présentateur qui était juste dans une classe pas loin de la mienne, qui était juste en dessous de la classe où j'étais quand j'étais... je vais parler en rénové, mais ça ne parle pas au français, mais donc c'est l'équivalent de... C'est dernière année de lycée, chose, ouais. Donc voilà, il y avait un présentateur qui était en avant la terminale, je sais pas. Enfin bref, il était plus jeune que toi. Il était plus jeune, et alors le gars, il présentait son émission, peur de rien, et il disait, voilà, et maintenant, on va faire les émissions et les chansons à la demande, donc n'hésitez pas à téléphoner pour que je passe votre morceau. Et puis voilà, il passait un morceau, et puis alors après il reprenait la parole, et voilà, personne n'a téléphoné, donc c'est moi qui choisis. Donc ça avait ce petit caractère local, confidentiel, absolument délicieux. Non mais ça fait le charme un peu de la chose en même temps, donc voilà quoi, ça oui, fait oui, une oui, expérience intéressante. Puis ça fait une expérience assez intéressante. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que mettre les émissions en téléchargement, voilà, je pense qu'on a un peu plus d'audience que l'écoute en direct. Oui, t'as déjà le capitaine. Ah ben, il y aura déjà moi, ça c'est sûr. Et de la petite expérience que j'ai pour au niveau des stats, je peux dire que la région parisienne est clairement la plus gourmande, probablement parce que c'est la plus peuplée, mais c'est là où on a le plus d'auditeurs. C'est pour ça qu'on sait bien qu'on va se faire incendier comme grâce à Bubule. Grâce à Bubule merci Bubule, qui s'est foutu de la région parisienne. Allez l'OM. Qui non seulement tu t'es foutu de la région parisienne, mais surtout des Parisiens en fait. Oui, clairement. Mais donc pour en revenir au podcast, juste le lien où on peut retrouver les émissions. C'est libreavoue.fr. Ok, voilà, c'est noté. Alors, et on continue hein, dans le trajet, dans les nombreuses facettes que nous présente notre invité, puisque notre invité est aussi administrateur, organisateur ou président d'une association qui s'appelle le Raspberry Pi FR, raspfr.org. C'est pour ça que tu connaissais le sujet de la split. Bien sûr. Je suis ni président ou quoi que ce soit. Je suis plutôt un membre de cette association, de cette communauté, quoi, qui est située du côté de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Donc ça va de Thionville, enfin pour ceux qui connaissent, de Thionville jusqu'à Metz, Nancy. Mmh. Oui, c'est voilà. Pas... C'est pas trop loin de Charleville, ça. Oui, c'est-à-dire que pour nous, nous où allons, ouais. on voit quoi. Pour nous, voilà, c'est la même région. C'est pas trop loin du Luxembourg. Voilà, c'est ça, c'est ça. Arlon, Luxembourg. Voilà. Ouais, ouais. C'est lié puisque c'est là où tu travailles. Comment ? C'est lié puisque c'est là où tu travailles, le Luxembourg. Ouais, voilà, je travaille au Luxembourg. Donc c'est une communauté qu'on a essayé d'initier l'année dernière. Avec une personne qui travaille dans le même coin que moi, qui s'appelle Manuel. Et donc vous pouvez retrouver. Donc on a mis en place un forum qui est plutôt bien actif depuis un an et demi. Alors le forum, c'est forum.raspfr.org. Voilà. Donc vous allez sur le site et puis vous verrez le nombre de sujets, l'activité, le nombre de réponses par jour. Oui, je suis allé faire un tour et en effet, c'est assez mouvementé, c'est très actif. Et t'as trouvé ce que t'allais faire avec ton Raspberry alors maintenant ? Qui, moi ou Sam ? Bah non, toi, dans le forum, t'as trouvé des idées. Non, mais normalement, il en a fait une borne d'arcade, mais il faut finir de la configurer. Ah, j'en parlais avec Sam aussi. Je dois me pencher sur le problème. Je n'arrive à faire fonctionner que la NES, mais maintenant, pour être tout à fait honnête, je n'ai plus chipoté à ça depuis le dernier podcast. Et depuis Ingress. Depuis... Non. Comme j'ai... C'est vrai que ça prend tout son temps. Hein. Mais non, mais Ingress, énorme. Ce n'est pas un jeu auquel on peut jouer quand on est chez soi, puisqu'on est obligé de se déplacer physiquement. Du coup, tu ne sais pas bidouiller en même temps. Mais non, mais t'as vu, on est dans la campagne ici. Ingress, il n'y a aucun portal ici. Il n'y en a qu'un, c'est au bout de la rue et c'est tout. Attends, moi, tout ce que j'ai vu, c'est quand tu profanais des tombes pour essayer d'avoir ton GPS. Hein. Jesus. Donc mon petit Raspberry Pi, j'ai installé la distribution RetroPie, qui me permet d'émuler plusieurs bornes d'arcade, mais aussi vieilles consoles. Voilà, il me manque du courage. Un bon tutoriel pour faire marcher Neo Geo. Je trouve que c'est l'enfer. Ah ben, tu postes la demande sur le forum de Sam. Ouais, je pense que sur le forum, tu trouveras... moult projets à faire et puis plein d'aide. En plus, il y a vraiment des personnes ultra compétentes. Donc, Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. En plus, pour être honnête, je ne comprends pas trop pourquoi personne n'a jamais posté sa configuration. Parce qu'en fait, la complexité de RetroPie, en fait, c'est qu'il y a à peu près un fichier de configuration de manette par console. Et la manette la mieux supportée, c'est la Xbox 360, qui a déjà son port USB et dont les drivers sont bien supportés par le Raspberry Pi. Et donc, il suffirait, à mon sens, que quelqu'un poste les configs Xbox 360 pour toutes les consoles. Donc, tu voudrais que les gens partagent ? Mais bien sûr. Mais non, mais il y a des gens, il y a énormément de gens qui ont fait beaucoup de belles choses pour RetroPie, mais il y a eu un problème à un moment donné, c'est qu'il y a eu un changement dans justement tous ces scripts, parce qu'en fait RetroPie, ce ne sont que des scripts, c'est pas vraiment une distribution. Et ce changement-là n'a pas été soit suffisamment documenté, soit je sais pas quoi, mais toujours est-il que voilà, je n'arrive pas à faire fonctionner ma Neo Geo. S'il vous plaît, venez m'aider. Et il y a aussi... Non, mais il faut que tu postes un petit sujet sur le forum et il n'y aura pas de soucis, il y aura du monde qui va... qui te répondront. Quoi. Mais il y a aussi un problème avec l'émulateur lui-même qui ne vient pas avec RetroPie, qu'il faut télécharger à part et qu'il faut installer. Ouais. Et ça aussi, l'émulateur qu'il faut télécharger existe en plusieurs versions, il y a plusieurs choses qui sont différentes. Et s'y retrouver, voilà, c'est pas facile. Quoi. Tu veux qu'on en parle ? Non, je ne veux pas qu'on en parle. Je vais aller poster toutes mes questions sur forum.raspfr.org. Voilà. Et on organise des apéros. Donc pareil, c'est des petites rencontres. On boit beaucoup hein, chez toi. Comment ? On boit beaucoup chez toi. Autant qu'ici, quoi. Ah ben, comme chez vous, hein. Donc ça va, pas trop de soucis. En plus, on boit de la bière. Mm. Donc ça va. Donc on organise des apéros, pareil, c'est des petits meetings. Et donc le prochain normalement pareil, il faudra regarder sur le forum, ça doit être en novembre pour l'inauguration d'un Fab Lab à Thionville. Voilà. Ah, Fab Lab, première fois qu'on en avait entendu parler, du moins moi, c'était Babozor. Oui, donc ouais. Babozor, notre invité dit aussi une bonne année maintenant. Je pense une bonne année. Mais on y reviendra plus tard. Je voulais juste revenir encore sur le Raspberry Pi et l'association Raspfr. On peut dire que c'est une association en fait. Alors pour l'instant oui. Alors, on a créé l'association. Tout ça, voilà. On a créé l'association en février de cette année. On essaie de solidifier un petit peu toute la communauté qui se trouve autour du forum. Et puis donc voilà, on attend vraiment que des personnes hyper motivées ressortent un petit peu de la communauté pour faire évoluer l'association. Et donc voilà. De nouveau, question habituelle, c'est les objectifs de l'association, parce que pour l'instant il y a un forum, d'accord, mais je suppose que c'est pas que ça, c'est les apiros, et à travers les apiros il y a c'est voilà. Le classique, c'est faire connaître ce mini ordinateur et puis faire des formations autour du Raspberry Pi. Voilà. Il y a des petites... Et puis faire aussi montrer qu'avec le Raspberry Pi, on peut faire de la domotique, on peut faire un petit peu de do it yourself tout autour. Et il y a des petites démos qui ont déjà été montrées, des petits projets intéressants, un peu insolites, qui pourraient inspirer les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, un apéro, on a vu justement une personne qui a fait sa borne d'arcade. Donc, il avait des sticks et puis des boutons. Qu'est-ce qu'on a eu? Quelqu'un qui était venu de très loin, justement, là, pour nous montrer son drone, avec comme mémoire le Raspberry Pi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dernièrement, moi, je suis allé voir une 3D printer battle à Metz où une personne avait monté un Raspberry Pi sur une imprimante 3D et qui gérait une caméra vidéo, des LED, enfin des trucs un peu plus rigolo, quoi. Voilà, donc voilà. C'était quoi l'objectif du produit là, le Raspberry Pi, l'association Raspberry Pi et imprimante 3D, ça, qu'est-ce que alors c'était un membre, quelqu'un qui bidouille du Raspberry Pi, nous avait montré sur une imprimante 3D. Alors c'était la FoldaWrap, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est une imprimante 3D créée à Nancy. Et lui, il avait rajouté un petit Raspberry Pi. Sur Raspberry Pi, il y avait une petite caméra vidéo et on voyait l'extrudeuse de en live de l'imprimante en train de faire son objet 3D. Et tout ça branché avec des petits LED. Et à chaque fois que l'imprimante se déplaçait en X, Y, Z, il y avait des petits LED qui s'allumaient. Bon, c'était plus quelque chose d'esthétique qu'autre chose. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Je vois. Donc vraiment, on peut faire vraiment des choses intéressantes. Et puis, un des membres fondateurs de la communauté donc a son projet qui s'appelle Idle. C'est pour faire de la domotique, voilà, tout simplement. On a aussi domotique dont on a parlé longuement avec Jean-Philippe Ancos, c'est ça, voilà, c'est ça, avec le projet Sarah, Et depuis lors, j'en entends de plus en plus parler aussi. Quoi. Oui. Des collègues ou amis qui font des nouvelles constructions, qui intègrent des choses assez magnifiques dans leur maison. Oui. Sam, je ne sais pas si tu connais Sarah. Vas-y, rappelle-moi un petit peu ce que c'est. Ben, c'est un framework qui a été créé justement par Jean-Philippe Ancos, qu'on a invité, je pense que c'était au mois d'avril. Et qui permet à travers des simples requêtes HTTP de faire de balancer des ordres et à un ensemble d'objets connectés. Donc l'objectif c'est vraiment de créer un espèce de middleware, donc ouais. entre une plateforme qui peut donner des ordres et des objets connectés qui peuvent les recevoir quoi. Et il y a si tu tapes Sarah dans Google, il y a il y aura beaucoup de photos de nu. Non, non mais Sarah dans Google, Sarah dans YouTube. Sarah dans YouTube, il y a une vidéo d'un mec qui a utilisé Sarah pour faire de la domotique dans sa maison et qui ferme ses volets, qui allume sa télé, qui change de chaîne, qui met de la musique, qui branche son alarme, etc. Donc et ça se commande à la voix parce qu'il y a des modules de reconnaissance vocale et des modules de reconnaissance gestuelle qui sont supportés par Sarah. Et la caméra qui est utilisée, c'est la Kinect. La Kinect de Microsoft, qui est posée sur son frigo. Voilà, exactement. Et deuxième parenthèse, parce qu'on vous parlait de drones, on a déjà aussi également parlé enfin, j'ai déjà beaucoup parlé de drones. mais on parlait aussi tantôt de Kickstarter, et je pense que dans Kickstarter que je l'ai vu cet après-midi, il y a un projet de pilotage open source, de développement open source d'une télécommande universelle, on va dire, mais c'est surtout la couche software qui est intéressante et qui est open source pour piloter des drones. Je pense qu'il existe sous Android en libre déjà des applications pour piloter des drones. Ah bah écoute, voilà. J'ai vu ça, et ça c'est une campagne de financement qui est encore en cours, ça s'appelait OCB ou quelque chose comme ça, je ne l'ai pas noté parce que je ne pensais pas que j'allais en parler, mais ça valait vraiment pas mal pour ceux qui sont intéressés par la dronautique. Ah ben, on y reviendra aussi un peu plus tard, ça fait partie des sujets que nous devons traiter avec notre invité. Mais là, pourquoi il est aussi président des drones en France ou quoi? Notre invité fait beaucoup de choses, il est très présent. Mais alors on va plutôt enchaîner parce que là on a commencé à en parler légèrement, c'est le Fab Lab. Alors, effectivement, dans l'association eLearn, j'ai initié un fork, j'ai forqué un petit peu, j'ai un sous-projet qui s'appelle le HackLab. Donc, vous pouvez trouver plein de petites infos et des vidéos sur hacklab.fr. Mais avant, on va peut-être brièvement rappeler le principe d'un Fab Lab pendant que Bubule va faire pipi. Oui, comme d'hab. Sa vessie n'a pas tenu. Vas-y, ça monte. Ouais. Rapidement, le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Donc, on y trouve des machines-outils, des imprimantes 3D. Et dans ce genre de lieu, on peut faire du prototypage. Voilà. Tout le monde peut y aller. Et c'est plutôt à des fins, on va dire, pas à des fins, mais comment je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Ça se veut démocratique. Voilà, tout à fait. Philosophiquement libre. Et je pense que dans la définition du Fab Lab, il doit y avoir un certain nombre de machines. Donc il doit y avoir, je pense, une fraiseuse, une imprimante 3D, peut-être un tour, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est un peu une usine à fabriquer des prototypes. Quoi. Oui, ou un entrepôt avec plein d'outils pour que tu puisses te lâcher. Voilà. Donc si tu veux réparer quelque chose, tu vas là-bas et tu auras des personnes compétentes pour t'aider à réparer l'objet ou à monter ton projet. Voilà. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant comme philosophie. Donc, voilà. Et toi, tu as créé le HackLab. Alors ouais, le HackLab, c'est quelque chose d'un peu moins pro que des Fab Labs. Donc c'est quelque chose d'un peu plus geek. Donc ça se déroule une fois tous les trois semaines, à Charleville. Et là-bas, bah, on geek sur de l'Arduino, sur du Raspberry Pi. Et on fait des fois des développements web. Donc pour l'Arduino, par exemple, on fait des petits robots. J'avais initié l'année dernière la construction de stations météo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Des bras robots. Je sais que bah, j'ai un des membres du Hack Lab qui a fait un bras robot. Des petits robots suiveurs de ligne, enfin ce genre de choses. Voilà. Et par rapport au Hack Lab, j'organise aussi des visites d'entreprise. En l'occurrence, des Fab Labs, donc le Fab Lab de Charleville-Mézières, qui s'appelle Lume 3D. Et ton rôle dans cette organisation? À un moment, je suis plus dans le rôle de réunir toutes les compétences de tout un chacun pour faire des projets. Voilà. Mais bon, en même temps, je geek un petit peu sur mes projets perso, du style Hexapod, par exemple. Donc ça, vous pouvez trouver tous ces projets, tous les codes sources sur le site du Hack Lab. Et donc ça peut donner des idées à plein de monde, et puis en récupérant le code source, bah, les modifier. Voilà. Et Hexapod, c'est ? C'est un robot avec 6 pattes. Ça ressemble à une araignée. Ah d'accord. Et tu as participé à la construction de ce robot ? Oui, en construction, je dirais pas ça. C'est des kits, c'est que tu assembles, tu achètes différents éléments, et puis c'est à toi de monter un peu ton hexapode, de monter ta carte Arduino. Alors, c'est pas vraiment une carte Arduino, c'est ce qu'on appelle une carte Spider, enfin dans mon cas, et puis de coder derrière comment l'hexapode doit marcher, et donc calculer que tel pad doit avancer et mais pas reculer. Enfin, il y a du code derrière. Donc. Et puisque tu es du développement, t'es très compétent dans le domaine, l'Arduino, moi je n'ai jamais vu, je n'ai jamais expérimenté. Je sais juste que de loin, ça ressemble un petit peu à un Raspberry Pi, sauf que c'est un petit peu plus orienté voilà. Électronique. Mais comment est-ce que ça se prend en main? Tu prends un Arduino, tu le déballes et puis tu fais quoi? Tu peux aussi installer un Linux dessus ou Non, tu peux pas. Sur l'Arduino, tu as ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc là, c'est un microcontrôleur du type Atmel. Et quand tu sors l'Arduino, alors l'Arduino, ça a la taille d'une carte de crédit. Et tu as des petits pins. Et tu peux brancher dessus des câbles, des LED et plein d'éléments qui vont. Alors des capteurs. Senseur qui permet de récupérer des informations du monde réel et les transmettre sous forme informatique. Et tu as ce qu'on appelle des actionneurs. Donc là, de l'électrique, de ce que tu vas coder, tu vas pouvoir interagir vers le monde réel. Donc ça va être des petits moteurs. Qu'est-ce que ça peut être enfin le classique, c'est des petits moteurs. Voilà. Donc avec l'Arduino, tu peux faire ça et tu peux acheter aussi ce qu'on appelle des shields c'est comme du Lego hein, que tu emboîtes sur l'Arduino et avec ces shields là qui ont plein de fonctionnalités, tu peux étendre les fonctionnalités de l'Arduino. Donc tu peux avoir des shields par exemple Bluetooth, des shields GPRS pour communiquer en envoyant des SMS. Tu peux avoir des shields qui commandent des plus gros moteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme shield? T'en as des shields Wi-Fi. Donc, t'en as une multitude de ça. Et tu peux brancher, bien sûr, plein de capteurs et de senseurs. Des senseurs barométriques, température, pour faire ta station météo. Oui, donc voilà, donc là on est dans une utilisation pratique. On peut brancher des senseurs de température. Et en fonction d'une telle température, on peut déclencher des événements. Voilà, tu peux déclencher un actionneur, quelque chose. Une alerte SMS, une alerte Twitter, parce que tu peux installer des shields avec un mini-serveur web intégré, par exemple. Et concrètement, la programmation, on fait ça en quoi? Alors, au-dessus, pour faire ça, t'as plein de langages de programmation, mais t'en as un qui s'appelle le processing. Ça ressemble à du C. Donc tu codes ça en processing, donc c'est avec ce qu'on appelle les includes, tu as des setups, tu as des loops, et tu as des petites librairies. Et quand tu as codé ça, tu compiles ce petit programme-là, et tu l'envoies directement vers l'Arduino. Voilà, c'est tout. Et comment bon, après, effectivement, il y a du développement derrière. Hein. Oui, il y a plein d'exemples sur le net. Hein, il y a pas un langage plus simple, plus accessible que le C pour... Je crois pas. Je crois qu'il y avait le Scratch, mais je me trompe. Parce que de toute façon, le microcontrôleur, il ne lit pas du C, il lit l'assembleur. Mais tu as une phase de conversion entre le processing, donc langage C, vers le langage compréhensible du microcontrôleur. Oui, voilà. Mais donc c'est pour ça, je demande s'il n'y a pas... C'est pour ça qu'il y a une couche un peu plus conviviale, en l'occurrence le langage processing. Oui. Voilà, c'est pas mal, mais évidemment c'est un peu moins accessible que ce qu'on peut faire avec le Raspberry. Ouais. Mais c'est un autre monde, super intéressant. Je crois qu'il y a une petite rubrique dans une sous-section du forum, dans le forum Raspberry FR. Raspfr.org. Tu peux donner un exemple de ce qu'on peut faire avec un Arduino qu'on ne peut pas faire avec un Raspberry? Alors, attends, un exemple qu'on peut faire avec l'Arduino. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on ne peut pas faire avec un Raspberry. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends. Un exemple. Tu peux pas faire, par exemple, avec l'Arduino, comme c'est pas un micro, enfin, en plus c'est deux mondes différents. Comme c'est pas un micro ordinateur, tu pourras pas, par exemple, développer une interface graphique qui se trouve dans l'Arduino, par exemple. Ah oui, mais l'inverse, ce qu'on peut faire avec un Arduino qu'on ne peut pas faire avec un Raspberry. Alors ça, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Du temps réel, par exemple. C'est presque du temps réel avec de l'Arduino, tandis qu'avec du Raspberry Pi, tu peux pas faire ça. C'est pour ça que le coût du drone, commander un drone par Raspberry Pi, oui, mais il faut que le Raspberry Pi commande des mini Arduino qui sont eux en temps réel. Et donc, quand tu pourras contrôler ton drone, ça sera plus réactif avec de l'Arduino qu'avec du Raspberry Pi. Donc voilà. Bah ok, bah c'est la transition parfaite vers le prochain sujet, puisque nous allons parler du pilotage de drones. Ouais. Parce que t'as développé... Ouais, on a développé dans l'association... Tu es président de l'association des piloteurs de drones de Charleville-Mézières. Je fais plein de choses de geek, mais voilà, je peux pas... Non mais là, pour le coup du drone, c'était plus un projet one shot, hein. Tout simplement, parce que cette année, je m'étais acheté un drone, air drone de chez Parrot. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est déjà le haut de gamme, ça. Mais je l'avais acheté d'occasion. Parce que c'était un drone qui était déjà utilisé par une personne qui, un couvreur. Donc, il utilisait pour regarder un petit peu les toits, donc au lieu de prendre l'échelle. Donc, il avait bien été utilisé, bien abîmé. Donc je l'avais eu pour pas cher. Et 9, donc, ça coûte combien pour avoir une idée? 9, je crois que ça coûte 300€. Pour le modèle moyenne gamme, c'est 300€ avec une caméra vidéo intégrée. Oui, ça va, on n'est pas... Ça va, il y a des optocoptères machin très haut de gamme, mais le Parrot est déjà haut de gamme parce que tu trouves sur internet pour 30-40€ des mini-drones chinois qui vont marcher deux fois, hein, ok, mais voilà, sans caméra ni rien. L'avantage avec le AR Drone 2 de chez Parrot, c'est que il y a un système d'exploitation Linux. Donc c'est un système open source. Donc c'est ça qui m'a fait pencher sur ce type de produit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as fait avec. Ouais, alors quand je l'ai reçu, je n'avais ni tablette et ni portable Android pour le faire fonctionner. Et donc l'idée que j'ai eue, j'ai vu qu'il y avait cette idée-là, quoi, donc je l'ai mis en pratique, c'est de contrôler l'air drone directement par un ordinateur. Et pour le contrôler, j'utilise une manette compatible PS2. Excellent. Et est-ce que tu peux expliquer techniquement comment ça fonctionne? Alors, au niveau installation, c'est pareil, c'est tout bête. Hein. Il faut installer, dans mon cas, une distribution Ubuntu, la dernière, la 14.04. Tu installes tout ce qui est environnement de développement. Donc, tu fais un apt-get install et build-all, je crois. Tu récupères ce qu'on appelle le SDK. Donc, c'est le Software Development Kit qui est spécifique à ta version du... Comment ? C'est le SDK de Android ? Non, c'est le SDK spécifique à l'Aero Drone. Ah, d'accord. Voilà. Tu compiles tout ça et à la fin, tu obtiens une petite application. Et grâce à cette application-là, tu te connectes en Wi-Fi sur l'Aero Drone et grâce à ta manette, tu peux contrôler ton drone. Donc voilà. Donc c'est plutôt rigolo, mais à ne pas essayer à l'intérieur d'une maison. Donc voilà, parce que il y a de la casse. Testé et approuvé, je vous le dis tout de suite. Parce que ça a déconné la première fois ou parce que tu as trop sur la manette ? Comment ? Parce que ça a déconné la première fois ou parce que Ouais, parce que c'est quand tu mets ta manette, il faut que tu calibres ta manette et que tu paramètres les boutons de ta manette. Et malheureusement, j'avais mal paramétré ma manette, ce qui a fait que j'ai cassé un vase dans le salon. Donc voilà, il faut jamais faire ça dans un salon. On peut faire ça, mais si on est célibataire. Voilà, mais voilà, c'est pas mon cas. Donc, on peut essayer mille fois un drone dans un salon. Voilà, voilà. Ah, mais c'est quelque chose d'essayer. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que moi c'est un truc. On sache très bien un drone. Ben oui. Pour le podcast. Avec le budget du podcast, je veux dire. Ah, avec la fortune qu'on reçoit. Avec la fortune, oui, et la pub. Et tu peux avoir en live les images de la caméra vidéo parce que sur l'air drone tu as une caméra intégrée. Ah bah voilà. Ça intéressera le capitaine, il l'enverra dans son toit histoire de repérer la fouine. Ouais, c'est encore c'est un vieux projet que j'avais. En fait, je me suis acheté aussi la petite caméra du Raspberry Pi et je voulais aller espionner la fouine qu'il y avait dans mon toit. Mais depuis, j'ai laissé tomber l'idée puisque je n'ai plus de fouine. Il n'y a plus d'isolation non plus. Il n'y a plus d'isolation. Ouais, mais par contre, elle s'est cassée. Par contre, la petite caméra, ça m'amuse toujours puisque mon Raspberry est dans une armoire ici. Je sens que ça va être sordide. Je laisse toujours il va y avoir du voyeurisme. Non, je laisse toujours sortir la caméra pendant mes vacances. Et quoi, tu la promènes dans la rue? Allez, viens. Mais non, mais quand je suis parti en vacances, je ramène, puisque je demande à mon Raspberry de prendre une photo toutes les 5 minutes. Et alors, je vois comme ça, en 2 minutes, le défilement de la journée dans ma maison avec les ombres du soleil qui passent. Puisque je compile toutes les photos pour en faire un mini-film. Ça s'appelle du time-lapse. Voilà, je fais du timelapse. D'ailleurs, chaque fois que je ramène une vidéo, j'appelle timelapse 1, timelapse 2. Tu me vois parfois quand je rentre le courrier pendant les vacances ou je nourris le chat ? Ouais, non, il me faudrait déjà pas mal de chance, déjà parce que mon chat est mort, donc Oui, enfin, cet été, il allait bien. Oui, c'est vrai. Le temps où tu t'en occupais, il allait bien. Non, j'ai vu une fois, pendant les vacances, il y a eu une semaine où c'était pas toi qui t'occupais de mon chat, mais c'était Laurent. Et j'ai vu juste une image de Laurent, mais bon, c'est juste, c'est super flou et c'est pas... T'es pas censé nous prévenir légalement qu'on ait filmé là. Bah, tu vois, c'est filmé là, normalement, on n'avait pas besoin d'aller là, quoi, mais bon... Et donc voilà, mais en fait c'est juste pour c'est marrant de faire du timelapse. Et puis voilà. Et puis quand je suis en vacances comme ça, si jamais il y a des voleurs, je les vois. Bah, c'est beau, surtout une fois toutes les 5 minutes. Et visiblement, il faut qu'ils passent par là. Ouais, quoi. Ouais. Oui, ben oui, évidemment. C'est pas un système de surveillance. Ah bah non, alors c'est sur capteur. Mais non, par contre, ça c'est bien sur l'extérieur. Ce que tu fais de prendre le soleil ou la lune qui bouge pendant la nuit, hop là. Ouais, ben ici, c'est sympa, ici ça donne sur la fenêtre qui est là qu'on voit là. Et donc. Ah, okay. Ouais. Enfin, oui, on la voit bien là. Oui, on la voit bien à la radio. Dans un podcast, ça ne donne rien évidemment ce que je raconte, mais c'est toujours intéressant de faire des petits projets comme ça et c'est marrant. Ouais. Et puis si jamais un jour vous êtes inquiet, vous vous dites oh, mon Dieu, peut-être qu'il y a le feu chez moi, vite, je vais me brancher sur mon Raspberry pour prendre une photo de chez moi, c'est possible. Par contre, s'il y a une panne de courant, que ton Raspberry est stop, tu vas flipper à mort, quoi. Il reboot et il remet tout en route tout seul. Non, normalement, oui, puisqu'il n'y a pas de bouton on-off sur le Raspberry. Donc, voilà, exactement. Il redémarre tout dès seul. Dès qu'il y a du courant, il est parti. Mais donc, voilà, on s'éloigne un petit peu du... Oui, oui, reparlons de drones. Reparlons de drones et disons-le clairement. C'est vrai que les drones, ça m'a toujours... Ça fait rêver. Ah oui, oui. Bah, voler, ça a toujours fait rêver l'homme. C'est clair. Regarde... C'est beau, hein, ce Branson. Mais ne revenons pas sur cet épisode tragique. On devrait acheter un petit drone chinois à 20 balles pour d'intérieur pour commencer, quoi. Juste pour tester un peu si on peut monter les murs et tout. Après, on l'équipe de caméras. Après, on met plus d'hélices pour aller dehors contre le vent et marée. Oui. Et on est parti, quoi. Et d'ailleurs, Sam, question pour toi. Quand on s'achète un drone comme ça, est-ce que parfois, il y a des commandes qui sont propriétaires ou en général, maintenant, tu achètes le drone et puis hop, c'est toujours une application mobile que tu peux télécharger et le piloter à partir de ton téléphone? Ouais, alors moi j'avais fait une petite recherche justement sur les drones et tu peux trouver des applications mobiles Android, iPhone et tout ce que tu veux sur le site internet du constructeur. Mais en général, les applications sont pas open source. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment plus du côté je fais un peu de pub mais de chez Parrot parce que leurs applications sont open source. Et ça t'a permis de réimplémenter une télécommande toi-même, quoi. Voilà, de modifier et puis de l'adapter directement par rapport à mon système qui était un Ubuntu, quoi. Ah, voilà. Tu dois vraiment aller voir alors ce dont je parlais tantôt dans Kickstarter, je pense. Tu tapes drone et tu tomberas dessus. Ça devrait vraiment t'intéresser. Donc un développement software de la couche logicielle open source, ouais, pour pilotage. J'avais déjà entendu ça, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement aussi qui est apparu justement pour faire un drone complètement open source. Est-ce que tu penseras, Bubule, à m'envoyer le lien de... Oui, ça va, si tu me donnes un big, je vais le noter. Oui. Pendant que Bubule va prendre ce big... On va avancer sur le prochain projet qui est aussi le projet que tu m'as présenté quand on s'est vu au Cabaret Vert, qui est le projet OpenStreetMap que tu fais pour la ville de Charleville-Mézières. De nouveau, hein, les gens de Charleville-Mézières sont des chanceux. Bah, y a beaucoup de personnes super motivées à Charleville dans les Ardennes, mais il faut les trouver et il faut rassembler un peu toutes ces ressources là, d'où l'intérêt des apéros web ou d'associations Hillard et ce genre de choses. Donc voilà, on pense que les Ardennes c'est un petit département un petit peu perdu et voilà, mais non, on le sous-évalue et y a plein de choses vraiment intéressantes. Et alors ton projet effectivement, alors c'est pareil, c'est aussi dans le cadre du Hack Lab avec une personne, Yves, de l'association. On a initié aussi, il a initié. Et moi, je suis plutôt une aide technique. Hein. Il a initié un projet qui s'appelle donc OpenStreetMap pour Charleville. Le but du jeu, c'est de faire un site web qui agrège un petit peu toutes les informations sur Charleville-Mézières. Donc en gros, c'est que tout à chacun, tous les Carolo-Messériens, les habitants de Charleville, pourront contribuer à ce site-là, à mettre des vidéos, mettre des photos, mettre des commentaires, mettre du texte, pour faire connaître Charleville-Mézières, faire des parcours touristiques. Voilà. Et vous avez eu le support d'un... Alors voilà, justement, on va demander incessamment sous peu à... Ah, il n'est pas encore au courant. Non. Un historien de Charleville-Mézières, Gérald Dardard, pour nous aider à faire des parcours touristiques et à mettre sa voix et ses textes sur les différents parcours qu'on va concevoir avec lui. Voilà. Et donc voilà, moi c'était ça que je trouvais génial comme idée, parce que... ça m'intéresserait d'aller, par exemple, quand je vais en vacances, on, on va toujours dans des endroits qu'on, bah, par définition, qu'on ne connaît pas bien. Enfin, moi, je préfère découvrir que retourner toujours au même endroit. Donc, on change toujours d'endroit. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. C'est de, justement de choper éventuellement des podcasts audio qui sont vraiment dédiés à la découverte de la ville. Et voilà, c'est Haussmann, l'application... OpenStreetMap sur Android. Ouais, l'idée c'est que tu installes ton application OpenStreetMap Android, tu télécharges les parcours touristiques, en plus tu pourras télécharger, bah, comme je te disais, les images et tout ce qui est médias associés, et tu pourras te balader dans la ville de Charleville et entendre, voir, lire un petit peu tout ce qui se raconte sur Charleville. On parcourt un petit peu toutes les petites rues de là-bas. Donc voilà petit peu l'objectif de ce projet-là. Et alors, votre projet a déjà commencé, il y a déjà des choses qu'on peut voir. Ouais. Sur voilà. charlevillemezières.cartographielibre.fr. Tout à fait. Et donc là, en allant sur le site, tu pourras contribuer à. Enfin, on pourra contribuer à faire découvrir Charleville-Mézières. Donc, nous, en tant qu'administrateur, on est là pour, à chaque fois qu'il y a un contributeur, donc on regarde un peu ce qu'il a mis, on valide ou on invalide un petit peu ce qu'il a fait. Mais l'objectif, il est plutôt touristique. C'est plus à des fins de. Faire découvrir Charleville-Mézières à des gens qui ne connaissent pas. Exactement. Ouais. C'est ça qu'on voudrait mettre en avant un petit peu sur ce projet-là, quoi. Projet touristique, découvrir un petit peu Charleville. Donc moi, je suis plutôt l'aspect technique. Donc par rapport à l'installation du logiciel qui s'appelle Chimère, c'est un logiciel qui est fait en Python. Et plutôt Yves qui est plus l'aspect parcours touristique, un peu en relation avec les personnes qui seraient intéressées par le projet. Quoi. Voilà. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre au point un système comme celui-là, genre si moi par exemple j'ai envie de faire l'équivalent pour la ville de Namur, j'ai quoi comme outil pour me baser sur les cartes d'OpenStreetMap et pour l'enrichir? Alors, ce qu'il faut, c'est simplement. Alors, tu as la médiathèque de Suip, c'est un petit village à côté de Reims, qui a installé la même chose, donc ce projet Chimère, pour faire voir un petit peu les parcours intéressants, les monuments historiques de Suip. Donc, pour installer ça, il faut que tu aies un ordinateur, tu installes une distribution Debian. Que tu installes tous les outils de développement en Python, parce que comme je te disais tout à l'heure, l'application est faite en Python. Tu télécharges l'application sur le site du développeur. On parle du serveur là. Hein. Comment ? On parle du serveur. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, tu installes ton application et après, bien sûr, tu as toujours une phase de configuration. Et oui, je suppose qu'il faut nommer les administrateurs, etc. Voilà, exactement. Je crois qu'il faut fournir quelques cartes. Et puis c'est tout. Enfin, c'est tout. Après, il faut faire connaître le produit. Et après, c'est une bouche à oreille. Oui, donc la partie technique n'est pas la plus compliquée, en fait. C'est plus. Je vous donnerai le lien de la médiathèque de Suip où ils ont bien fait ce projet-là. Et je trouve vraiment vraiment intéressant et très très abouti. Donc on voudrait, nous dans mon cas, reproduire un petit peu ce schéma là qu'ils ont fait. Et pour l'instant ça a un succès ou ça a encore un peu du mal à se faire connaître? Alors pour Suip c'est un bon succès, pour nous comme on est en phase de développement et puis de recruter des bonnes personnes, donc là on est vraiment en phase de développement. Donc c'est le début, quoi. C'est vraiment le début. Voilà. Et ben voilà. Écoute, on va terminer en parlant de ton projet, qui est ta coopérative. J'ai épuisé les sujets maintenant. Si tu penses encore à quelque chose. Non, mais le ouais, effectivement. Alors, c'est pas mon projet. Hein. Parce que c'est un projet de non, tout le monde. Non, non, c'est celui qui te tient le plus à cœur, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. C'est une coopérative qui s'appelle Imogis. Donc, Imogis, c'est le petit bébé de l'association Ilard, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on faisait beaucoup de formations qui étaient payantes. Donc, comme on a vu que ça marchait super bien et qu'on avait beaucoup d'argent, donc on a décidé, avec une dizaine de personnes, de créer une SS2L. Donc, c'est une société de services de logiciels libres. Et donc, il y a 4 ans et demi, donc on a décidé ça. Et cette Imogi, donc, s'est créée donc, il y a 4 ans. Et on a eu, au départ, enfin, il y a toujours 3 personnes. Donc, 3 salariés qui ont beaucoup bossé. Et pour mettre en place cette structure. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'était d'avoir un aspect social, humain, un petit peu à l'association, enfin à la coopérative, et que tout le monde participe et mette un petit peu des billes dans ce genre de projet. Donc voilà. Le but du jeu, c'était qu'on puisse dire, voilà, il y a des coopératives, il y a des sociétés qui peuvent vivre autour des logiciels libres. Et donc, voilà. Le quotidien donc de Imogis, c'est quoi en fait? Ça implémente des solutions, ça donne des formations, ça crée des produits. Exactement. Donc nous, on s'est focalisé sur 4 axes. L'axe formation, donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur quand même, parce que c'est un peu pas notre corps de métier, mais c'était l'aspect qu'on voulait mettre en avant, c'est former des personnes, voilà, le côté humain, c'est vraiment c'était ça qui nous importait. On a fait une solution qui s'appelle ENPT 2.0. Donc ENPT, ça veut dire École Numérique pour Tous. Donc là, on vend des solutions de TBI. Donc TBI, c'est tableau blanc interactif. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Si on met ça dans les écoles, on a un vidéoprojecteur et les élèves peuvent, avec des stylos spéciaux, manipuler un écran blanc et vous avez des fenêtres, enfin, ce genre de choses. Donc de manière vraiment interactive. Donc on a développé un logiciel derrière, enfin Imogis, pardon, moi, hein. mais Imogis a développé un logiciel qui permet de gérer le vidéoprojecteur, le logiciel, les stylos. On a aussi un autre axe, qui est un site internet. Donc là, c'est la création de site internet, le plus classique et le plus basique. Donc appel d'offres et nous on fait des sites internet sur Joomla, WordPress ou des solutions spécifiques à chez nous. On a aussi, on en a parlé hier, ce qu'on appelle de l'ERP. Donc là, c'est plus spécifique pour les entreprises, pour faire la gestion de stock, de caisse, de bilan, de compte de résultats. Voilà. Donc c'est pour montrer que d'une association, et si on a des personnes motivées, on peut créer une coopérative et créer de l'emploi. Voilà. T'as l'aspect humain, hein, c'est comme je te dis, c'est la formation, et surtout créer du business et créer de l'emploi pour des petits jeunes. Voilà. Et la progression d'Imogis, donc en fait, ça a été créé en quelle année Alors, c'était il y a 4 ans. 4 ans, on a eu une année où on a... Enfin, où ils ont... Enfin, les personnes ont essayé de faire du brainstorming pour essayer de trouver des solutions, des axes où on pourrait se développer. Donc, en l'occurrence, on s'est focalisé sur le NPT et sur OpenRP, solution de gestion. Et puis, cette année-là, on a fait des démarches auprès des entreprises, auprès des écoles, pour vendre un peu toutes ces solutions-là. Donc voilà. Et à l'heure actuelle, ça marche plutôt bien, parce que de 3 personnes au jour d'aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'ils allaient embaucher une 4e personne en décembre. Donc voilà. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose d'hyper positif pour les Ardennes. Et qu'est-ce qui d'après toi, donc point de vue plus, enfin c'est ok, c'est pas ta société, etc. Mais point de vue plus entrepreneur, quand tu regardes l'éventail des possibilités qu'il y a sur le marché de l'emploi pour les solutions libres, c'était quoi le créneau le plus porteur ou la meilleure opportunité? On est plus dans les formations ou on est plus dans les solutions customisées ou les... Alors ouais, si je devais, enfin pas bon voilà, je suis pas vraiment dans Imogis, mais c'est vrai que si je devais donner des conseils, moi je partirais sur des formations et sur les sites internet. Voilà, clairement c'est deux choses qu'il faut mettre en valeur si on veut créer une coopérative ou si on veut, je pense, créer une SS2L. Après nous on a fait ENPT, c'était, comme je te disais, c'était l'aspect éthique, aller vers les autres, voilà, qui est notre credo, hein. Ouais. Il y a un lien entre Hillard et Imogis. Ouais, alors c'est ceux qui ont initié le projet, c'était tous des membres d'Hillard, et les 3 personnes qui travaillent, donc les 3 salariés d'Imogis, c'était des membres d'Hillard qui étaient sans emploi. Donc quand on a vu qu'ils étaient sans emploi, il y avait Rémi, Julien et Fabien, donc des personnes motivées, des personnes qui avaient des grandes compétences en informatique, en développement, en technicien de maintenance et puis en commercial. Donc ils n'avaient pas d'emploi, donc on s'est dit, ben voilà, c'est 3 jeunes, ils méritent quelque chose, et c'est pour ça qu'on a créé Imogis. Voilà, c'est une des causes pourquoi on a créé Imogis. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben, c'est très bien. Ben, félicitations pour l'initiative. Hein. Et puis, ouais, c'était très dur. Alors, je vous cache pas que c'est très dur, mais voilà, le résultat est là. Au bout de 4 ans, ben, on va être bientôt. Enfin, ils vont être bientôt 4, et puis on n'arrête pas de travailler. Enfin, ils n'arrêtent pas de travailler, de faire beaucoup d'heures. Mais pour eux, ben, c'est bien d'être leur propre chef, quoi. Ils ont pas de boss au-dessus. Et voilà quoi, c'est quelque chose vraiment d'intéressant, et humainement parlant, c'est fantastique. Quand tu dis très dur, tu penses au temps qu'il a fallu pour mettre ça en place, ou bien administrativement, ou... Comment, j'ai pas compris ta question. Quand tu dis que c'était très dur, tu penses à la mise en place de la structure, ou bien le temps que ça t'a pris, ou bien... Enfin, moi, de mon côté, ce qui a été dur, c'était, je pense, les démarches, par exemple, pour créer la coopérative. Oui, enfin, voilà. Ça, c'est de mon point de vue. Après, effectivement, il y a ce qui est pas évident aussi, c'est quand on se retrouve, quand ils se retrouvent à 3 dans un bureau, c'est de chacun d'avoir ses marques. Quelquefois, c'est pas évident. Ils sont 3 et ils se retrouvent 3 dans un bureau. Avant, ils étaient amis. Maintenant, c'est plus des. Maintenant, c'est des collègues de travail. Donc, c'est ça qu'il faut aussi gérer. C'est comment on doit se comporter avec les autres personnes. Ouais. C'est aussi un aspect qui est pas évident. Faut pas, voilà, quoi. Oui, après, t'as l'aspect technique. Mais l'aspect technique, ça s'apprend par internet. Ça s'apprend en lisant des livres. Donc, c'est pas ça le souci, si tu veux. Oui, le côté un peu complexe de l'histoire, c'est aussi se lancer dans l'aventure, et de se trouver face à tous ces à côté auxquels on n'a pas l'habitude de faire face, qui sont les côtés administratifs, les côtés humains, les côtés... comme tu disais, être son propre patron, ça a certainement une série d'avantages, mais ça n'a pas que des avantages non plus. T'as beaucoup de responsabilités. Exactement, ouais. Alors, dans la vie civile, ils sont amis, mais quand tu as un petit souci dans le boulot, à un moment, voilà quoi, tu peux pas être trop ami quoi. Il faut dire des choses, les choses franchement. Ouais, voilà, ouais. Ça fait mal, ça fait pas mal, donc mais ça fait partie un petit peu de la vie d'une entreprise, hein, voilà. Mais bon, voilà, ils ont réussi à surpasser ces obstacles et j'en suis très très content. Donc s'il y a des personnes qui veulent vraiment monter ce genre de choses, je pense qu'il faut pas se décourager. Il faut être plusieurs, il faut être motivé, mais je pense qu'on y arrive. Eh ben voilà. Allez, ben on va se quitter là-dessus, à moins d'avoir un petit mot de la fin de la part de Tolrek, ces petits mots dont il a le secret. Fin. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas, Sam, si tu veux encore rajouter quelque chose. Oh non, mais à part que c'est une super émission que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, depuis le Cabaret Vert. J'aimerais bien faire un petit tour vous voir, parce que vous habitez du côté de Namur, donc c'est pas trop loin de Charleville, et puis boire un petit peu de vos bières. Ah dis, ce sera avec le plus grand plaisir. Avec plaisir. Mais de toute façon, au pire, on se retrouve au Cabaret Vert l'année prochaine, parce que... Comme je l'ai dit à Bubule, qui était l'investigateur, non, l'instigateur, parce que l'investigateur, c'est plus... C'est pour les trucs de Cthulhu. Voilà, j'ai dit que c'était un festival qui m'avait vraiment particulièrement séduit. Oui, j'ai entendu hier, effectivement, hier, parce que j'avais écouté l'émission, que ça t'avait super plu, et... Donc je suis très content, voilà, parce que ouais, on s'était bien marré là-bas. Il y a une industrialisation du festival en Belgique qui devient écœurante et ouais. Un festival bon enfant avec plein de gens qui étaient déguisés. Enfin, il y avait beaucoup de cosplay et le parking qui était gratuit et tout ça. Je vous assure, on ne trouve plus ça en Belgique, mais depuis des années. Quoi. Si, moi je. On en rediscutera. Sinon, dernière chose. Il y a Editors et Prodigy, ça m'étonnerait. Pas un gros festival, ouais. Non. Dernière chose, on va faire une virée, donc toute l'association, au Fosdem à Bruxelles au mois de février. Ah oui, ouais. C'est à l'ULB, oui. Ça. Comment? C'est à l'ULB, à l'Université de Bruxelles. Ouais, c'est ça, c'est un peu notre pèlerinage annuel. C'est rencontrer des geeks là-bas, quoi. Ah bah voilà. Ah bah, donc on devrait peut-être fois, vous voir. On va essayer d'y aller. Oui, moi en tout cas je vais essayer d'y aller. Voilà. J'espère qu'on se retrouvera là-bas. Bah ouais, c'est mais cool. Mais sinon, au Cabaret Vert. Voilà, et Cabaret Vert, alors on va vous inviter. Et je suppose que allez, le Hillard aura de nouveau un stand. Oui, comme tous les ans, depuis 7 ans. Comme tous les ans. Donc voilà, tous les geeks et tous les auditeurs de Paroles de Tux, qu'on se donne rendez-vous au Cabaret Vert pour aller, pour aller dire bonjour à Sam, à son stand. Ouais, franchement, il faut y aller quoi. À ce festival, ça dure 4 jours, on s'amuse super bien, c'est en plein centre de Charleville, c'est rigolo, et c'est bon enfant, et c'est nickel. Voilà, exactement. Je fais un peu de promo pour ce genre pour le cabaret. Mais non, mais nous, on a fait de la promo aussi, hein. Ouais, je sais, Rovi. C'est à refaire. Allez, on se quitte là-dessus et je donne la parole à mon ami Bubule qui a sélectionné un grand morceau. Un morceau 8 bits. Un grand morceau 8 bits. Vous avez déjà fait un morceau 8 bits, non? Je pense pas. Gentil. Si, possible. Mais bon, je reviens. C'est pas le même, c'est juste ça que je voulais dire. Non, là, je reviens donc en force avec un son français. Bah oui, c'est du 8 bits français. Oui, c'est du 8 bits français. Et alors, le nom du groupe, je vous le donne en français. Les lamas aussi aiment les Game Boy. L'MS Love Game Boy 2 et donc c'est 8 Bits Headbangers et ça c'est sorti en 2009 sur Jamendo. Voilà, bonne soirée. Et Manu, ou bonne journée parce que ils nous écoutent quand même quand ils veulent, certains dans le bain, d'autres au triathlon. Non, au marathon. Ouais, kiff kiff. Il suffit d'enlever le vélo et la nage. Ouais, le triathlon avec le casque dans l'eau, c'est déjà plus compliqué. Quoi qu'il y ait, il existe des casques amphibies. C'est vrai que nager en écoutant un podcast, J'en connais peu, mais toi, auditeur, si tu nages en nous écoutant, envoie-nous une carte postale. Je pense que Speedo a sorti des écouteurs qui vont sous l'eau, mais il faut encore trouver le maillot qui va mais avec. Mais non, l'appareil. Ah, donc c'est vraiment un truc très con, quoi. Ils ont inventé les écouteurs qui vont sous la flotte, mais il n'y a pas d'appareil pour le faire. Si, Sony s'amuse toujours à sortir de faire de la pub là-dessus. Chaque fois, ça me fait rire, je me dis qu'est-ce qu'on s'en fout que le smartphone, il aille sous l'eau, quoi. Ça, c'est très bon, le mec délicieux, il met ses écouteurs Speedo et puis il plonge avec son iPhone 6. Bon allez, je ne le dis plus, on se quitte là-dessus, on se retrouve le mois prochain. Salut à tous. Salut. À plus.